de Triomphe, l'événement hippique le plus attendu de l'année. 16h05, la course, en direct et en intégralité sur RMC. La plus grande course hippique au monde, c'est tout à l'heure sur RMC. C'est l'heure de la météo sur RMC. La météo, c'est avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Globalement, retour au calme aujourd'hui dans le ciel. Bon, ce matin, le ciel va quand même rester couvert du sud-ouest jusqu'en Auvergne, avec encore de faibles pluies possibles vers les Pyrénées. On va également retrouver quelques averses localisées entre l'Alsace et les Alpes, plus au nord du Cotentin, en Île-de-France jusqu'aux Ardennes. Et quelques averses localisées là aussi restent possibles et le ciel chargé. Partout ailleurs, on va retrouver une alternance entre nuages et éclaircies. On attend même un beau soleil de la Bretagne au Poitou jusqu'en région centre. Cet après-midi, retour des éclaircies du sud-ouest jusqu'en Auvergne en passant par l'Île-de-France, la Normandie et le long du littoral de la Manche. En revanche, le temps instable va rester de l'Alsace en Champagne jusqu'au Hauts-de-France avec des averses fréquentes et des orages possibles. Pour les températures, ce matin, comptez entre 5 et 19 degrés, cet après-midi entre 15 et 27. On attend 16 degrés à Lille, 18 à Paris et Strasbourg, 19 à Lyon, 25 à Marseille et Ajaccio et 27 la maximale pour Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec à 9h, Formule 1, départ du Grand Prix de Malaisie. 15h, Football Ligue 1, Angers-Marseille. 16h05, Hippisme, départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Montpellier. Et dès 17h, retour à la Ligue 1 avec Nice-Lorient, suivi à 20h45 du derby Lyon-Saint-Etienne. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. C'est RMC, bonjour à tous, il est 6h et à 6h toute l'actualité c'est avec Claire Checagini. Bonjour Claire. Bonjour, première messe en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray cet après-midi depuis l'assassinat du père Jacques Hamel, une célébration qui devrait réunir toutes les communautés religieuses. Pas de référendum dans un village de la Drôme sur l'accueil des migrants, la consultation voulue par la mairie était inconstitutionnelle. Les ultras gâtés pour leur retour au Parc des Princes, ils ont vu le PSG battre Bordeaux 2-0. Il y aura tout d'abord une procession suivie d'un rituel de réparation car l'église a été profanée et ce n'est qu'au terme de ce cérémonial qu'une messe enfin sera célébrée, la première en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray depuis l'assassinat du père Jacques Hamel. Une cérémonie à laquelle toutes les communautés religieuses seront conviées, Romain Poiseau. Les baptêmes de ses petits-enfants, l'enterrement de son mari, le père Hamel a partagé la vie de Madeleine, une paroissienne. Aujourd'hui, elle sera à la cérémonie de réouverture de l'église pour lui rendre hommage, oui, mais la peur au ventre. Je vais avoir peur. Très peur. C'est dur. J'aimais aller à l'église, je me sentais en sécurité, alors que maintenant, bah non. C'est difficile d'oublier. On y pense tout le temps. Hein. Nora, elle aussi, y pense tout le temps. Cette jeune femme musulmane viendra prier à l'église cet après-midi. Pour elle, c'est un devoir. Ça me tient à cœur parce que notre religion, c'est une religion de foi, de tolérance, de partage. On a toujours vécu ensemble. Musulmans, chrétiens, on a toujours vécu ensemble. Une fraternité avec la communauté chrétienne mêlée au sentiment de haine à l'encontre des deux terroristes qui ont tué le père Hamel. J'adhère pas à tuer au nom d'Allah. Au nom de Dieu, non. J'ai la haine. C'est une haine, en fait. Aller à l'église pour apaiser sa haine, les représentants de la communauté musulmane de Saint-Étienne-du-Rouvray seront eux aussi présents pour rendre hommage au père Hamel. Le reportage RMC de Romain Poiseau. À Calais, affrontement hier entre militants pro-migrants et forces de l'ordre. 5 policiers et un photographe ont été légèrement blessés. Ces violences interviennent alors que la jungle doit être démantelée dans les prochains jours. Et parmi les communes qui doivent accueillir des migrants venus de Calais, il y a Alex dans la Drôme, village de 2500 habitants. Un référendum sur la question devait avoir lieu aujourd'hui. Seulement, ce type de consultation est illégal puisqu'une municipalité n'est pas compétente en matière migratoire. D'où la déception du maire Gérard Crozier au micro de Gwenaël Van Restin. Je suis très amer parce que aujourd'hui la démocratie en souffre. De toute façon, il n'y avait pas de ma part de mot d'ordre. Moi, ce que je voulais, c'était avoir une ligne de conduite des citoyens qui m'ont élu comme maire. Je leur devais de leur permettre de s'exprimer. J'ai le sentiment qu'il y a eu un acharnement. On s'est comporté avec un maire artisan d'une petite commune. Comment on se comporte avec un maire d'une commune de 300 ou 400 000 habitants? Aujourd'hui, je ne peux pas le faire, donc effectivement, oui, je suis amer. Une campagne à l'économie pour la primaire organisée par le PS. Solferino devrait octroyer 50 000 euros par candidat. Le montant pourrait être entériné aujourd'hui lors du Conseil national du parti. Pour Michel Piloquet, trésorier de la campagne d'Arnaud Montebourg, il faut donc optimiser un budget serré. On fait beaucoup avec peu. On a des dons. uniquement des dons de particuliers, principalement des petits dons à 90% et 10% de grands donateurs. On s'interdit d'aller dans des salles qui ne soient pas gratuites et mises à disposition par les maires. On achète l'éclairage, la sonorisation directement à des prestataires, donc on renégocie tout, on est centimier. Aux précédentes primaires, les candidats au premier tour ont eu 100 000 euros. Proposer 50 000 euros, c'est la démonstration de volonté qui n'est pas équitée. Moi, je pense qu'il faudrait au minimum 150 000 euros par candidat. Michel Piloquet avec Laureline Savoie. L'ouragan Matthew, bientôt sur les côtes jamaïcaines et haïtiennes. Le typhon est pour l'instant classé en catégorie 4 sur une échelle de 5. Un événement pour les fans de Renaud hier soir. Ils l'attendaient depuis près de 10 ans. Le chanteur est remonté sur scène à Évry pour le premier concert d'une tournée marathon. Le Parc des Princes a de nouveau vibré hier soir et pour cause, les ultras étaient de retour après 6 ans d'absence et les supporters du PSG ont été gâtés. Les Parisiens se sont imposés face à Bordeaux 2-0. Un match durant lequel il y avait donc plus d'ambiance que d'habitude, comme l'a bien remarqué le défenseur parisien Thomas Meunier. Figurez-vous que j'en parlais avec Nico Viac et je lui ai dit que j'avais senti une petite différence dans les chants, que c'est un peu plus intense, un peu plus régulier, je vais dire. L'ambiance est quand même quelque chose qui compte, surtout quand on mène nos scores. Et puis dans des situations difficiles, le public doit toujours être là pour pousser un peu un groupe à aller vers l'avant. C'est super important. Et puis j'espère que les ultras vont continuer à venir et qu'on va leur accorder un peu plus de liberté encore. Et en cette 8e journée de Ligue 1, Monaco a pris la tête du classement après une leçon donnée à Metz. Résultat 7-0. Soulagement pour les Nantais qui ont signé leur première victoire de la saison face à Bastia. 1-0. Les Canaries respirent enfin. Leur entraîneur René Girard aussi. Des garçons heureux dans le vestiaire. J'avais peur qu'ils perdent un petit peu ce goût à la victoire. Ça commençait à être un petit peu pénible. On ne trouve pas toujours les arguments après quand ça dure trop longtemps. Bon, c'est une bonne victoire. Je crois qu'on a fait des choses intéressantes et peut-être que, je sais pas, j'espère, enfin, que le destin a un petit peu tourné. On prend un ballon sur le poteau. Voilà. C'est toujours bien. En rugby, début de la 7e journée du top 14, hier, et douloureux déplacement pour le Racing 92 à Brive, les Franciliens se sont inclinés 25-16. Pour Virgile Lacombe du Racing, ses coéquipiers ne doivent plus se voiler la face. On est dans le dur parce qu'on prend pas de points à l'extérieur. Il faut qu'on continue à travailler pour aller chercher des résultats, au moins des bonus défensifs dans un premier temps à l'extérieur et puis des victoires. Mais il faut arrêter de se trouver des excuses là. Maintenant, il faut travailler, il faut fermer sa gueule parce qu'on a aussi pris des points et des pénalités parce que tout le monde a parlé. Donc il faut se taire, travailler et rester un peu dans l'ombre et essayer d'aller chercher des résultats. Et toujours en rugby, à noter aussi la victoire de Clermont face à Castres, 29-19. Les Clermontois reprennent donc la tête du classement. Une audience à faire pâlir nombre de directeurs de chaînes. L'événement rassemblera cet après-midi 1 milliard de téléspectateurs. Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe se dispute sur l'hippodrome de Chantilly. Parmi les pur sang en lice, un cheval japonais aux petits soins, Pierre Ecten. Kai, qui est arrivé il y a bientôt 2 mois en France après 36 heures de transit, hébergé dans une écurie japonaise de Chantilly, il a voyagé avec son foin, son cavalier d'entraînement japonais et un cheval de compagnie censé faciliter son adaptation. Satoshi Kobayashi est celui qui accueille toute la petite troupe. Ils ont bien récupéré, ils sont vite adaptés à Chantilly. Le champion, il est vraiment calme. Et puis il y a le jockey, Christophe Patrice Lemaire est le seul à être installé au Japon, le seul à être autorisé à y monter à l'année. De quoi exercer une pression supplémentaire sur ses épaules. C'est une bonne pression. Moi, je suis très content que la venue d'un cheval japonais fait parler et enthousiasme les gens. Véritable monument au Japon, la course d'aujourd'hui sera suivie par plus de 10 millions de téléspectateurs. 6 000 Japonais feront le déplacement et tous n'auront Dieu que pour Makaiki. Vous écoutez RMC, il est 6h, passé de 7 minutes. Bonjour François Sorel. Bonjour Claire. Et justement, à propos de course, vous avez les pronostics pour cet après-midi. Et le prix de l'Arc de Triomphe, un final des Epic Series qui se tiendra donc cet après-midi à Chantilly, vous le disiez. Sébastien Arras reste fidèle au 10 Found. Mais selon lui, le cheval à battre, c'est le 2 Post Poned. Brahim Asloum aime beaucoup le 11 Arzand. Et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As New Bay. Et le 7, Silver Wave. Nous avons donc le 10, le 2, le 11, l'As et le 7. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Et c'est parti, les 6h08. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'être avec nous. Ravi de vous retrouver. Bon dimanche. Et oui, nous allons passer une partie de ce dimanche ensemble. Jusqu'à 9h précisément, le week-end des experts. Alors pourquoi 9h? Parce qu'à partir de 9h, ça sera tout autre chose puisque vous pourrez suivre le Grand Prix de Malaisie en direct et en intégralité sur RMC avec toute la Dream Team F1. Et oui, c'est le jour du Grand Prix aujourd'hui. Ce qui fait qu'on n'aura qu'une heure d'automobile, mais vous allez voir, avec Jean-Luc, ça va être dense puisqu'on va bien entendu évoquer le mondial de l'automobile. Ça sera aussi le cas dimanche prochain avec Jean-Luc et nos invités. On ira juste de l'autre côté du périph' à Paris, porte de Versailles. Tout à l'heure donc Jean-Luc entre 8h et 9h pour l'automobile. Mais à mes côtés pour débuter comme chaque dimanche, c'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour François, bonjour à tous. Alors, vous allez bien? Oui, évidemment que je vais bien Laetitia. Est-ce que vous allez faire un petit tour du côté du mondial de l'auto tout à l'heure? J'avoue que non. Non. J'ai piscine. Ah, voilà, Laetitia Barlerin à piscine, avec tous ses animaux. Elle se baigne avec les poules, avec les chiens, les chats, la totale. Laetitia, on va passer 2 heures ensemble. Évidemment, avec les questions, vos questions, vous qui nous écoutez, vous pouvez joindre dès maintenant notre veto au 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Tout à l'heure, notre quiz de la vie privée des animaux, la tia-tia. Voilà. On va parler de crevettes aussi? Non, ça c'est dans la deuxième heure. On va parler de... c'est pour ça, je disais, dans la deuxième heure, on va parler de crevettes. Non. Là, on va parler d'accord. D'un chien dans le quiz. Mais c'est vrai que dans la deuxième heure, nous allons parler d'un concours de beauté de crevettes. Voilà, là, on touche le fond, là, Laetitia. C'est, on ne peut pas aller plus bas maintenant. On va parler d'une bonne nouvelle, les tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques maintenant. Ça, c'est bien. Ce sont interdits. D'accord. On va aider les apiculteurs en parrainant leurs ruches. Et bravo. Enfin, on aura peut-être une solution face au déclin des éléphants d'Afrique et d'Asie. Peut-être une solution autre que toutes les solutions qu'on a déjà vues. Voilà, de la crevette à l'éléphant. Bon, écoutez, franchement, là, on fait du plus petit au plus grand, hein, on peut dire, et Laetitia. C'est un peu ça, quoi. C'est aussi ça, ce rendez-vous animaux. Tous les animaux sont concernés, et bien sûr, les vôtres. Donc, si vous avez une question concernant votre animal de compagnie, c'est maintenant que ça se passe. Hein. Vous pouvez nous joindre le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone ce dimanche matin. Comme ça, on vous rappelle dans la foulée. Laetitia, on y va? On y va. Et on attaque avec Martine qui nous a appelé au 3216. Martine, bonjour. Bonjour. Bonjour Martine. Bonjour Laetitia. Ravie de vous avoir. C'est partagé. Bienvenue dans notre émission. Voilà, je vous appelle pour ma petite chatte. Je vais essayer de faire très vite. Oui. Parce que j'ai deux gros soucis avec elle. Le premier, c'est depuis qu'elle est toute petite. Elle a très peur, elle est très stressée, même encore 2 ans et demi après, elle regarde encore derrière elle, elle n'est pas rassurée, enfin elle est très mal. Je ne sais pas si c'est psy ou si c'est simplement le stress. Et d'un autre côté, du coup, elle est tout le temps mais bien malade, au moins une fois par an. Ah, et, oui. Et là, cette année-là, ça a commencé le 12 août par un blocage urinaire. Oui. Bon, elle était dans le véto, tout ça. Et il a découvert, parce que j'ai quand même un petit peu insisté, elle a une... parce que je trouvais que depuis toute petite, qu'elle mangeait très mal. Oui. Je l'ai toujours signalé. Et là, elle aurait une gingivite virale. D'accord. Alors, je voulais vous demander si... parce que j'ai lu pas mal de forums, tout ça, savoir si le stress pouvait provoquer ces maladies. Et qu'est-ce que je peux faire avec une chatte qui veut pas manger, qui s'isole énormément, qui... Juste une chose, Martine, elle vient d'où cette minette? Vous l'avez récupérée comment? Mais c'était des gens qui vendaient, c'est une personne, mais pas l'off, hein, je sais même pas si elle est vraiment... Et il la vendait au bon coin, et comme moi j'ai des gros problèmes de santé, je voulais reprendre un petit chat. Voilà, donc voilà. Oui. Et, elle devait être très très petite quand vous l'avez eue. C'était une belle petite boule, elle était belle. Hein. Elle était belle. Hein. Alors, quand vous me dites, vous me posez la question de savoir si le stress a une conséquence sur la fragilité de la santé d'un animal, Bien sûr que oui. C'est comme nous, en fait. Bien sûr que oui. Et oui, bien sûr. Oui, oui, on a, ben, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'études sur pas mal d'animaux, et c'est vrai chez le chat aussi. Quand un chat est stressé, on a une influence, bien entendu, sur le système immunitaire, et c'est les chats stressés chroniques ont souvent des problèmes de santé, par exemple. Par exemple, vous savez, il existe chez la femme une cystite qu'on appelle une cystite idiopathique. Et c'est une cystite, c'est une inflammation de la vessie qui est due au stress. D'accord. Chez la femme. Et bien, on retrouve la même maladie chez le chat. On a des cystites où il n'y a pas du tout d'infection. On ne trouve pas de bactéries dans les urines. Mais c'est juste dû au fait que l'animal a eu un coup de stress et ce qui a un ça a des conséquences physiologiques. Voilà. Et on sait aussi que certains cancers aussi peuvent être favorisés. Le stress est un facteur aussi, même chez l'animal, le stress est un facteur de cancer, enfin de développement de cancer. Oui, bien sûr, ça a un impact sur la santé en tout cas, ça c'est clair. Ça a un impact sur la santé. On peut avoir aussi le diabète aussi. Peut-être qu'il y a aussi le stress qui serait aussi un des facteurs. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que Martine, vous avez une chatte qui est fragile d'un point de vue émotionnel depuis toute petite et qui est fragile comme par hasard d'un point de vue santé depuis toute petite. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Après, est-ce qu'il ne faudrait pas... Alors là, vous avez un problème de gingivite virale, donc votre vétérinaire va vous donner des traitements. Là, c'est ça vrai peut que... se soigner, en fait. Alors, en ça peut se soigner, mais il faut faire attention parce que tout ce qui est gingivite virale, on sait que ces virus... Alors souvent, on a un herpès virus qui est responsable de cette gingivite. Il n'y a pas de traitement antivirus qui débarrasse le corps de ce virus. C'est-à-dire que c'est un virus qui restera dans l'organisme. Et c'est vrai que quand on a un virus, c'est un peu comme le virus du coryza. Dès qu'il y a un stress, ce virus, On ne peut pas totalement l'éradiquer, en fait. On ne peut pas totalement l'éradiquer. En revanche, Martine, vous pouvez faire un traitement de fond sur ce stress. Pourquoi cette chatte est stressée? Peut-être aller voir même un vétérinaire comportementaliste, pourquoi pas, pour pouvoir régler... Alors, pas forcément faire en sorte que cette chatte ne soit plus du tout stressée de toute sa vie, parce que je pense qu'elle a un fond d'anxiété qui est sûrement dû à ce qu'elle a vécu avant que vous l'ayez, mais qui peut ce vétérinaire peut vous aider justement à ce qu'elle ait une stabilité émotionnelle et qu'elle soit moins stressée, qu'on aménage son environnement pour qu'elle soit moins stressée, qu'on lui donne peut-être des médicaments pour qu'elle soit moins stressée, que vous ayez un comportement pour qu'elle soit moins stressée, etc. Donc, moi, Martine, puisque vous avez une chatte qui est stressée depuis qu'elle est petite, je passerai à la phase B, c'est-à-dire que j'irai voir un vétérinaire spécialiste en comportement pour faire un petit peu le point. Bien sûr. Un traitement anxiolytique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça peut être la solution. Ça peut être ça, mais plus une thérapie comportementale. Vous savez, c'est un peu comme nous quand on va voir, on n'est pas bien depuis longtemps, on va voir un psy. C'est un peu le psy, si vous voulez, des chats. Et c'est ça, c'est qu'il faut vraiment faire un bilan comportemental sur cette minette. On trouve facilement un vétérinaire comportementaliste aujourd'hui? Écoutez, il y en a de plus en plus en France. Ce que vous faites, c'est que vous allez voir votre vétérinaire qui vous réfère vers ce vétérinaire. Alors, il y a deux choix. Soit vous allez dans une clinique où exerce ce vétérinaire, soit ce vétérinaire est ce qu'on dit itinérant, c'est-à-dire qu'il est qui va en itinérance de clinique en clinique et qu'il va dans la clinique de votre vétérinaire. On prend rendez-vous avec lui. Et vous prenez rendez-vous avec lui. Martine, merci. On revient dans un instant, Laetitia. Il est bientôt 6h18. Notre quiz de la vie privée des animaux. Et on repart avec vos questions. Tout comme Martine, vous voulez joindre notre vétérinaire ce matin. Pas de problème. C'est très simple. Le 3216 ou animaux@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC. Ce week-end, les Formule 1 roulent le matin pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Ce matin, dès 9h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il Il est 6h18, le retour du week-end des experts, les animaux, Laetitia Barlerin est là et notre vétérinaire bien sûr attend vos questions. Profitez-en pour la joindre, ce matin ça se passe au 32-16. Laetitia, avant de retrouver une question, il est temps de me questionner à moi. C'est le quiz de la vie privée des animaux. Voilà. Et là, c'est une nouvelle qui vient du Canada. Ah. Ce chien s'appelle Angus. Angus, comme le bœuf. Voilà. Qui est le premier chien au monde qui a été éduqué pour chasser quoi? Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Écoutez bien, vous allez voir. Dans le sens chasser et détecter, bien sûr. Chasser, détecter. Oui. D'accord. J'ai trois propositions comme d'habitude. Bien sûr. Alors, soit les couches culottes sales dans une crèche. D'accord. Soit les. Enfin, cela dit, certains humains peuvent les détecter aussi, hein. Oui, c'est vrai. Mais bon. Mais bon quoi? Voilà. Lui, il détectait bien avant. Ah oui. Pour qu'on puisse changer les. D'accord, les d'accord. Couleurs oui, de, oui. Des Dès que le drame arrive, en fait, il est, voilà. Il est alerté. Soit les. Pas le drame, ça arrive, hein, c'est la vie. Hein. Les portables des élèves dans les écoles. Les portables des élèves, tiens, ça c'est rigolo. Mmh. Soit les. Coco, éteins ton téléphone, je t'ai vu. Enfin, je t'ai reniflé. Eh oui, oui, les portables sont quand même interdits dans les écoles. Soit les bactéries dans un hôpital. Les bactéries dans un hôpital mmh. Bah là, il n'est pas couché parce qu'il y en a pas mal quand même, hein. Toutes les bactéries ou certaines? Certaines bactéries. Ah, attention, soyez précise. La tia-tia. Bon, écoutez, je ne sais pas du tout. Là, franchement, vous avez bien travaillé sur vos trois propositions, Laetitia. Félicitations. Ah, rappelons qu'il y en a deux qui sont complètement fake, hein, qui n'existent pas. Alors, je précise quand même, ça peut vous oui, aider. Oui, oui, oui. C'est par l'odeur. C'est par l'odeur. Merci pour cette précision, Laetitia. Concernant les couches culottes, en général, c'est par l'odeur. Quoique ça peut être par la vue, mais là, c'est un peu trop tard. Alors, comment ça marche? Si vous voulez m'aider ce matin et si vous avez une petite idée, n'hésitez pas, je compte sur vous les amis car je suis complètement perdu. Le mail animaux@rmc.fr. Quelle est votre proposition? La réponse à ce quiz de la vie privée des animaux dans un quart d'heure. Mais d'ici là, on accueille Bernard. Bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bonjour Bernard. Laetitia, bonjour François. Bonjour Bernard. Comment ça va Bernard? Eh ben, comme un dimanche matin, vers les 6h et quelques, impeccable. 6h21, exactement. Ouais, bah, voilà. Vous avez l'air très, très bien réveillé, en tout cas. Oui, ça va. Ah bah tiens, bien vous sûr. Vous êtes encore en pyjama tranquille dans le lit, là, ou pas? Ah non. Non, ah, non, non. Que non, nenni, non. Je suis pour un bon petit café. C'est très bien, bravo, ben, comme nous, voilà. Comme nous. Exactement. Voilà, en revanche, Laetitia est venue en pyjama ce matin. Non, je plaisante. Envoyez des photos. Nous, il manque plus que les croissants. Non, mais... non Bernard, pas les... Non, les... non ça commençait non, bien, non. Ça commençait bien, oui. Et d'un coup, là, ça dégénère avec les photos en pyjama non, de Laetitia. Vous dites ça, Bernard, mais peut-être que bientôt, nous aurons aussi la vidéo. La télé. La télé. Hein. Oh, vous là, nous là, verrez, là. Alors vous verrez nos cernes, vous verrez nos pyjamas, bien sûr, nos cheveux ébouriffés, voilà. Ouais. Là, ça va être sympa si un jour ça arrive, cette histoire-là. Faudra pas se mettre le doigt dans le nez, Laetitia. Hein. Oui, là, faudra faire attention. Hein. Ben oui. Bon, écoutez, Bernard, alors, qu'est-ce oui. qui vous arrive? Alors, c'est un problème avec un de nos chats. Donc, on a 5 chats, c'est-à-dire qu'on commence à atteindre notre maximum, mais on a oui. un de nos chats qui est en bonne santé par ailleurs, mais qui se révèle totalement allergique à tout ce qui est produit antipuce. C'est-à-dire qu'il attrape des plaies. Alors, si on le traite au produit antipuce, il perd ses poils par plaque entière. C'est-à-dire quel produit? Alors, on a essayé... Ah bah, je ne vous demande pas des marques, mais des... Bah, des pipettes. D'accord. Des pipettes. Oui. Donc, il attrape... Alors, il perd ses poils par plaque. Du coup, il se lèche, il se gratte. Et du coup, ça donne des plaies à vif. Si enfin, c'est pas dû aux pipettes, quand même. Ben, c'est-à-dire que... Ben, il est allergique aux puces. Il est allergique aux puces et il est aussi allergique aux produits anti-puces. Ah, ça c'est embêtant. Alors, c'est-à-dire que c'est un chat en plus qui fait de l'asthme, on lui a trouvé un souffle au cœur aussi. Par ailleurs, il a 6 ans, 7 ans, il est en bonne santé, c'est le leader du groupe. Mais j'adore mais voilà, parce du coup, que Bernard, au moins vous êtes... Oui. Optimiste, c'est-à-dire que vous commencez votre discours en disant j'ai un chat, il est en super santé, alors il a une allergie aux puces, il a de l'asthme, il a un souffle au cœur. Mais à côté de ça, il va bien. Ce mais coton. À côté de ça, il va bien. À part ça, ça va. À part ça, ça va. Oui, bah oui, mais oui, il mange bien, il sort. Voilà. Enfin, voilà. Oui. Mais alors, on ne sait plus quoi faire. Donc, le vétérinaire précédent, parce qu'à chaque fois, on doit aller chez le vétérinaire qui lui fait une piqûre. Parfois, on doit y retourner deux ou trois fois par an. On commence à s'inquiéter parce qu'à force de lui faire des injections comme ça, on se pose des questions sur sa santé future, là, ce pauvre chat. Oui. Et alors, le vétérinaire précédent nous avait, je sais pas si je peux dire le nom du médicament. Décrivez-le, qu'est-ce que... Oui, alors, bah, c'est une pilule à manger, en fait, c'est confort... quelque chose, oui. Nom, voilà. nous, on regarde toujours sur Internet, hein, vous savez comment sont les gens maintenant. C'est une pilule antipuce. Alors, c'est même pas une pilule, c'est un comprimé antipuce. Oui. Ouais. Et alors, sur Internet, il y a énormément de commentaires qui disent que les chats... Certains ont retrouvé leur chat décédé au bout de deux jours. Sachant que le nôtre est fragile, nous, on n'a pas donné ce médicament-là. Ah, oui. Vous n'avez pas vu aussi quelqu'un qui disait qu'il est devenu bleu, le chat? Ou alors rose bonbon? Non? Clignotant. Clignotant, voilà. Oui. Ouais. Vert fluorescent, comme ça on le voit bien dans la nuit. Alors on a demandé aussi l'avis au vétérinaire qui dit que lui il n'a jamais eu de problème, mais enfin voilà. Donc mon appel à la station de radio, c'est de dire mais je ne sais plus quoi faire. Enfin on ne sait plus quoi faire avec ce chat. Bon alors écoutez votre appel est passé, voilà. Bernard. Vous avez un chat qui est allergique à la salive de puce, c'est-à-dire que dès que la puce injecte de la salive dans sa peau, il se gratte, il a des plaques, enfin, vous savez ce que c'est. Alors, quand vous voulez aussi éviter d'aller tous les 6 mois chez votre vétérinaire qui vous fait une piqûre anti-démangeaison, et à la fin, c'est vrai que ces médicaments-là, au bout de plusieurs années, faut faire attention quand même. Hein, la plupart du temps, ce sont des corticoïdes. Bon. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut, c'est la prévention. La prévention, vous la connaissez. Il faut traiter tous les chats contre les puces toute l'année. Ça, faut commencer par ça. Ça, c'est ce qu'on fait. On le fait régulièrement. Alors, régulièrement, moi, j'aime pas ce mot-là. Parce que quand je dis, vous traitez votre chat tous les combien? Régulièrement. Tous les 3 mois. Ah, bah ouais, mais non. C'est tous les mois. Une fois par mois. L'année, 12 mois par an. Voilà. Déjà, on commence par ça. Vous voyez? Après, il faut traiter la maison. Parce que traiter que les chats, ça ne suffit pas. Alors, par contre, la maison, vous pouvez faire tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous mettez un produit qui est un insecticide. Donc, c'est pas le produit que vous trouverez en droguerie, parce que c'est vraiment des produits très spécifiques pour les puces, parce que les puces sont très spécifiques. Donc, c'est un produit que vous mettez dans l'environnement qui non seulement tue les puces adultes, mais aussi évite que l'œuf donne la larve, qui donne la nymphe, qui donne la puce. Voilà. Et c'est un produit qui reste 6 mois dans l'environnement. Et vous passez régulièrement l'aspirateur dans l'environnement. Ça, je reviens sur la base, Bernard, hein, parce que il faut revenir sur la base quand même du traitement. Sur les bases. Antipuces. Ensuite, concernant le traitement des animaux contre les puces. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choix chez le vétérinaire, comme vous en trouvez même en supermarché. Alors, d'après ce que vous me dites, votre chat a des réactions de contact avec les pipettes. Oui, ça arrive. Il y a des chats qui ont une peau hypersensible. Donc, dès qu'on met quelque chose sur la peau, tout de suite, ça réagit. Et c'est vrai que ces comprimés antipuces, ça serait la solution. Puisque, alors, comment fonctionnent ces comprimés? Vous donnez le comprimé au chat ou au chien, parce que ça existe aussi chez le chien. Le produit, qui est un produit inoffensif pour les mammifères, mais qui n'est pas inoffensif pour les invertébrés comme les insectes, comme les puces, c'est un produit qui se retrouve dans le sang. Et comme vous le savez, les puces se nourrissent du sang du chat. Donc elles pompent le sang, et dès le premier repas, elles sont intoxiquées par ce produit qui enclenche chez elles comme une crise d'épilepsie, mais une crise d'épilepsie qui les tue. Ah oui. Donc ça vibre sur la peau du chat, parce que la puce on vibre. On croit qu'elle reçoit SMS. Voilà. Mais en fait, elle est en train de. Et voilà, elle agonise. Et la puce qui agonise. Et c'est un produit qui est sorti depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Et franchement, il n'y a jamais eu de problème, à ma connaissance, de problème de chat mort après l'ingestion. Alors, le seul effet secondaire qu'on peut avoir avec ce produit-là, ce sont les vomissements. Ah. Parce que c'est un produit qui va dans l'estomac, il n'y a pas de, de problème sur l'estomac, mais après quand ça va dans l'intestin, ça peut un petit peu irriter l'intestin. Alors, ce qu'il faut faire, et ce qui est recommandé, c'est de donner ce comprimé avec un repas. D'autant plus qu'on sait que si il arrive se comprimer dans un estomac vide, il a moins d'efficacité. En plus, donc il faut manger en même temps. Voilà. Donc voilà, Bernard. Je vous conseille ce produit et ça peut vraiment aider votre chat. Alors les autres chats, vous pouvez les traiter avec des pipettes ou même ce produit, mais ce chat-là, c'est un comprimé par mois, 12 mois par an. Merci beaucoup Bernard. Laetitia, de la météo et les infos. On est de retour dans un instant avec le quiz de la vie privée des animaux. J'ai quelques indices là, Laetitia. Et puis bien sûr vos questions au 32-16. À tout de suite les amis. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax, les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Et c'est avec Jérémy Sullivan qu'on fait un point sur la météo de ce dimanche. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Ce matin, eh bien, on attend des averses des Alpes jusqu'à l'Alsace. Quelques pluies également attendues et beaucoup de nuages du sud-ouest jusqu'en Auvergne. Les éclaircies vont quand même s'imposer en cours de journée du centre-est à la Bretagne jusqu'en Normandie. Au nord de la Seine, matinée sous les nuages avec quelques averses possibles. Averses beaucoup plus fréquentes près de la frontière belge avec quelques coups de tonnerre également à attendre. Dans l'après-midi, les averses se feront beaucoup plus rares, sauf dans le nord-est de la France. Le sud-est, lui, bénéficie d'un temps calme et ensoleillé. Pour les températures, ça reste frais au nord, un petit peu plus chaud au sud. Ce matin, comptez entre 5 et 19 degrés. Cet après-midi, entre 15 et 27. On attend 16 degrés à Lille, 18 à Paris et Strasbourg, 19 à Lyon, 25 à Marseille et Ajaccio, 27 la maximale attendue à Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isover est une marque de Saint-Gobain. RMC, il est 6h30, un point sur l'actualité. Claire Tchekaglini, bonjour Claire. Bonjour, première messe cet après-midi en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, un peu plus de deux mois après l'assassinat du père Jacques Hamel. Mais comme les lieux ont été profanés, un rituel de réparation sera auparavant effectué par l'archevêque de Rouen. Bandana rouge et blouson de cuir, Renaud de nouveau sur scène. Coup d'envoi hier soir d'une tournée marathon pour le chanteur. Son dernier album, Toujours Debout, s'est écoulé cette année à 700 000 exemplaires. Violence hier après-midi à Calais, devant l'entrée de la jungle, entre militants pro-migrants et forces de l'ordre, 5 policiers et un journaliste ont été légèrement blessés. Macron, pas question. Alain Juppé exclu de faire appel à l'ancien ministre de l'économie pour occuper Matignon. Le candidat à la primaire de la droite précise, mes critères de choix seraient la compétence et la loyauté. Ça ne coûte rien de le dire. Nicolas Dupont-Aignan déclare dans le JDD qu'il sera au second tour de la présidentielle en 2017. En 2012, il avait recueilli 1,8% des voix. En Espagne, explosion hier soir d'une bonbonne de gaz dans un café de Vélez-Malaga, bilan 77 blessés. La piste accidentelle est privilégiée. Un hôpital d'Alep en Syrie de nouveau bombardé. C'est la deuxième fois cette semaine. En football, Monaco prend la tête de la Ligue 1 après son écrasante victoire hier face à Metz, 7-0. Victoire à domicile du PSG face à Bordeaux, 2-0. À suivre ce soir le derby entre Lyon et Saint-Etienne. RMC, 6h31. L'heure de retrouver François Sorel et les experts. Et Laetitia Barlerin, notre vétérinaire qui m'accompagne donc jusqu'à 8h, le 32-16 pour nous joindre ce matin. Ou animaux@rmc.fr. On repart avec vos questions dans un instant. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Merci d'être avec nous. Et bienvenue sur RMC. Et bonjour à tous, bien sûr. C'est le week-end des experts en ce dimanche matin. On est ensemble jusqu'à 9h. Jusqu'à 8h, ce sont les animaux avec Laetitia Barlerin. Et entre 8 et 9, ce sera l'automobile avec un spécial mondial de l'auto en compagnie de Jean-Luc Moreau et de nos invités. On reviendra entre autres sur les trophées de la voiture connectée qui ont été décernés il y a quelques jours à l'occasion de l'ouverture de ce mondial de l'auto par 01net.com. Laetitia Barlerin, attention, attention, dans quelques instants, le quiz de la vie privée des animaux. On va bien sûr aussi retrouver vos questions. Tout à l'heure, on découvrira la plus belle crevette de Paris, les amis. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Miss Crevette. Miss Crevette. Et croyez-moi, c'est pas des salades. Pourtant, elle devrait peut-être terminer c'est là-dedans. C'est pas un cocktail. Bravo Laetitia. Bon, écoutez, puisque on est en forme et qu'on sort de bêtes blagues, je vous propose maintenant d'accueillir Aurore. Ouh là là, et ça résonne avec Aurore, tout ce qu'on aime. Comment ça va ce soir, Aurore? Ça va très bien, merci, bonjour. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, vous avez un chihuahua, Aurore? Oui. Ah ben comme Laetitia Barlerin. Je ne sais pas. Et ben voilà. Mais je vous le dis. Nous sommes deux en France. Vous êtes copines de Chihuahua, toutes les deux. Peut-être. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, j'aurais voulu avoir les conseils de Laetitia parce que mon petit Chihuahua, c'est une fille, bien sûr. Et queen depuis deux jours. Oui. Et elle a toute une caisse de doudous. Oui. Enfin, les doudous, c'est-à-dire les peluches. Oui. Et ça faisait un moment qu'elle s'en occupait pas. Oui. Et puis là, depuis deux jours, elle tourne toujours. Il a son petit fauteuil, il a mis tous les doudous dedans. Elle dort dessus et queen tout le temps. Ah. Queen. Ferait-elle une grossesse nerveuse ? Là, là, là, là, là, là. Je m'en doutais un petit peu. Ah, elle n'est pas stérilisée, j'imagine. Non. D'accord. Elle a deux ans. Mais quand elle queen, c'est-à-dire, Aurore ? Mais le queen, en fait. Elle chouine. Voilà, elle chouine, voilà. Ah oui, parce que queener, ça fait. C'est pas le même bruit. Mais est-ce qu'elle a eu ses chaleurs récemment ? Mais non. Ah, vous les avez pas vues ? Non, elle a pas eu de. Bon, après, les chaleurs peuvent être discrètes, hein, vous savez, c'est pas. Enfin, oui, discrètes pour vous, mais peut-être pas pour les chiens, mais. En principe, quand elle y est, on le sait. Oui. Et là, vous. Enfin, je veux dire, il y a un mois, deux mois, elle n'a pas eu ses chaleurs ? Non. Non ? Ah, bah, c'est bizarre. Non, ou alors, on s'en est pas aperçu. Ouais, mais je pense que c'est plus ça. Parce que si elle nous fait une grossesse nerveuse qui est une. Qui arrive juste après les chaleurs, donc un à deux mois après les chaleurs, un petit peu comme si, justement, elle allait avoir des petits. Parce que la grossesse nerveuse, c'est une chienne qui a presque tous les symptômes d'une grossesse, sans être gestante justement. Et c'est vrai que ça arrive régulièrement chez des chiennes. Comment l'expliquer ? Alors les éthologues sont pas très d'accord les uns avec les autres. En tout cas, ce qu'on observe, puisqu'on se réfère toujours sur au loup et à la meute de loup, c'est que dans une meute de loup, vous savez, il n'y a que les dominants qui se reproduisent, le mâle alpha et la femelle alpha. D'accord. Et quand la femelle alpha est petite, ce que l'on observe, c'est que les autres femelles du groupe de la meute ont une montée de lait. Mmh. Ce qui veut dire qu'elles peuvent participer justement au nourrissage des petits, d'accord, des louveteaux. Mmh. Et donc on l'explique comme ça chez la chienne, parce qu'on peut observer chez, je ne dis pas que toutes les chiennes, mais beaucoup de chiennes, un à deux mois après leur chaleur, ont une montée de lait qui est en fin de compte physiologique, puisqu'on a des changements hormonaux qui font qu'il y a une montée de lait. Donc on a les mamelles qui grossissent avec éventuellement du lait. D'accord. Et puis surtout un comportement, la chienne qui fait son nid, qui prend une peluche, enfin les peluches, et qui en fait son petit quelque part. D'accord. Et qui a un comportement un peu instable, dans le sens où, voilà, elle chouine, elle est pas bien, elle mange moins, elle tient pas en place, on sait pas ce qu'elle veut. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a des chiennes qui ont qui sont tellement instables d'un point de vue caractère qu'elles peuvent devenir agressives. Mmh. C'est-à-dire que voilà, elles sont un peu soupaulées, si vous voulez. Ça, faut faire attention si vous avez des enfants. Quand une chienne a une grossesse nerveuse, c'est pour ça que quand ces chiennes-là sont vraiment très soupaulées, moi je conseille, ce qu'il faut faire, c'est la stérilisation qui coupe. Ben voilà, vous n'avez plus du tout de grossesse nerveuse après, puisque vous n'avez plus de chaleur. C'est ce qu'elle veut dire, la stérilisation qui coupe. Voilà, bah oui, qui coupe. Ça voilà. Tout. Ça coupe tout. Voilà. Oui. Alors concernant Aurore, votre chihuahua, alors soit vous laissez passer, soit ce que vous pouvez faire, c'est lui enlever toutes ses peluches, etc., et la sortir plus souvent. c'est-à-dire lui changer les idées, tout simplement. Ensuite, nous, vétérinaires, nous avons des produits qui sont des produits anti-prolactine, parce qu'il faut savoir que pendant la grossesse nerveuse, elle sécrète ce qu'on appelle la prolactine, qui est l'hormone qui fait qu'il y a une montée de lait chez la chienne qui est gestante. Voilà. Et donc, comme on a aussi une montée de lait lors de grossesse nerveuse, eh ben, on a un médicament qui coupe justement cette montée de lait et qui évite que la grossesse nerveuse dure une à deux semaines. Voilà. Très bien, merci beaucoup Aurore pour votre appel. Et si tout comme Aurore, vous voulez joindre Laetitia Barlerin, le 3216 ou animaux@rmc.fr. Tiens, d'ailleurs, ça se déchaîne sur animaux@rmc.fr, Laetitia, concernant notre quiz de la vie privée des animaux. Avec Angus. Avec Angus. Qui, je le rappelle, est un chien. C'est une entrecôte. Canadien. Pardon. Non, c'est pas ça. Qui est le premier chien au monde qui a été éduqué pour détecter quoi? Et donc j'avais trois propositions. Mais oui. Les couches culottes sales dans une crèche. Ça peut être pratique. Là, il y a un petit drame qui se prépare. Hop là, on y va. Les portables des élèves dans une école ou les bactéries dans un hôpital. Alors, Yvonne nous dit qu'elle pense que c'est les téléphones portables dans une école, mais elle n'y croit pas trop. Marie nous dit qu'elle pense à la proposition numéro 3, le chien qui détecte les bactéries. Nous avons Grégory, qui nous dit aussi la bactérie, Laetitia. Nous avons aussi Julien, qui nous dit « Je pense que ce chien peut détecter l'odeur des bactéries et peut-être même des cellules malades dues au cancer, Laetitia. » Ah, ça c'est vrai. C'est pas la première fois qu'on en parle de tout ça. Ça c'est vrai. Pascal aussi, qui nous dit que ce chien peut rechercher des bactéries en milieu hospitalier. Bref, Laetitia, la messe est dite. La messe est dite. Je pense que ce chien arrive à sentir les couches culottes. Ah là, je vous surprends, hein. Comment faisons-nous? Comment faisions-nous il y a 50 ans, bon, j'étais pas née bien sûr. Mais non. Sans Google. Google. Voilà. Parce que au moins, je ferai mon quiz vraiment. Avec tout l'univers. Avec tout l'univers, oui. Vous vous rappelez de tout l'univers, les encyclopédies ou pas? Vous n'avez pas connu ça? Oui, non, j'en avais pas chez moi. Vous vous souvenez des encyclopédies? Il y avait Encyclopédia Universalis, tous ces trucs-là. Là. Oui, il y avait des gars qui venaient chez vous, qui vous vendaient en fait toutes les bibliothèques de... Eh bien voilà, il y avait tout l'univers. Et là-dessus, et grâce à tout l'univers, vous auriez pu faire votre quiz. D'accord. C'était le Google de l'époque. C'était le Google. Le Google des années 80. Enfin, c'est quand même plus rapide aujourd'hui noter sur son ordinateur pour avoir la réponse à mon quiz. Alors, donc, bien entendu, vous avez raison. La couche culotte? Mais non, vous avez dit la bactérie. Oui, c'est la bactérie, bien sûr. Voilà. Jérôme, tu peux mettre les applaudissements. Je les ai mérités. Bon, stop. Merci public. Thank you very much. J'en chanterai une autre si vous voulez tout à l'heure. Voilà, ça veut dire quand même que nos auditeurs savent écrire Angus. Voilà. Sur Google. Ouh là là, Laetitia est un peu énervée, hein, là. Vous avez vu? Parce qu'elle passe des heures et des heures à trouver les bonnes propositions. Voilà, donc, mais c'est ça. Plus sérieusement, ce chien arrive à détecter les bactéries? Et oui, parce que surtout, alors pas n'importe quelle bactérie, les bactéries nosocomiales. Oh, en plus, celles-là, elles sont dangereuses. Eh ben oui. Parce que c'est quand même un grand problème dans les hôpitaux. Complètement. Et donc, ce chien a été dressé pour détecter certaines bactéries. Pas toutes les bactéries, parce que y en a beaucoup quand même partout. Hein. Mm-hmm. Donc certaines, donc on le fait, il vient dans certaines salles, et surtout les salles d'opération, etc., avant qu'on les nettoie, et il marque s'il sent cette fameuse bactérie, et du coup, les lieux sont décontaminés au maximum pour ôter ces bactéries, et savoir un peu si elles se cachent. Vous savez que le problème, c'est qu'elles se cachent un petit peu partout, et surtout une bactérie qui s'appelle Clostridium, je vais y arriver. C'est pas facile. Hein, voilà, ouais. Et ce chien est élevé, justement, est éduqué pour faire un petit tour de toutes les salles dans l'hôpital en question et détecter ces bactéries qui sont que l'on recherche. Bon, écoutez Laetitia, franchement là j'ai été très bon sur ce coup-là. Hein. Oui, on peut le dire. Les auditeurs, oui. Oui, bon, d'accord. 6h43, c'était RMC, on revient dans un instant, on va régler notre... on va laver notre linge sale en famille maintenant pendant la pub et on revient avec Laetitia. On va peut-être se boire un café aussi, Laetitia. Et nous aurons Chantal, qui va nous parler d'un chat que j'adore et que vous adorez aussi. Ce sont les Maine Coon. Eh oui, ces chats géants avec des longs poils. Exactement. C'est doux géant, comme on dit. Le problème, c'est que le Maine Coon de Chantal éternue, Laetitia. Ah. Et là, d'un coup, ça pose problème. On en parle dans un instant. Le 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous joindre. À tout de suite. RMC, vos animaux. Sur France 3, découvrez l'histoire de ceux qui font l'histoire. Alain Juppé ou le portrait d'un homme à la reconquête du pouvoir. Avec qui je partirais sur une île déserte? On ne demande pas aux Français de choisir quelqu'un pour aller sur une île déserte. On demande quelqu'un pour conduire le pays. Inédit, Alain Juppé le ressuscité, premier documentaire du mois politique, demain à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h moins le quart, c'est RMC. Le retour du week-end des experts avec notre veto. Notre veto qui c'est... Le veto! Comme tous les dimanches. Et oui! Et qui vous accompagne en direct, qui répond à toutes vos questions animaux, le 3216, animaux@rmc.fr. Profitez-en, c'est vraiment le rendez-vous des amoureux des animaux. C'est un rendez-vous, rappelons-le, exclusif en France. Laetitia, on accueille Chantal. Bonjour Chantal. Oui, bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Alors vous avez un Maine Coon. Oui, alors on a un Maine Coon, donc qui n'est pas l'offre. Qui a eu un an au mois de mai. Alors, Palof, ça veut dire qu'il n'a pas le pédigré. Hein, je traduis quand même. C'est ça. Vous savez que quand même, le Maine Coon, c'est devenu le premier chat de race en France. Incroyable, ah bon ? Devant, oui, oui, oui. Tiens. Il y a en nombre de naissances déclarées avec pédigré, etc. C'est le premier chat devant le persan, devant notre chartre national, devant le sacré de Birmanie. Voilà, donc c'est vraiment, alors qu'il y a 20 ans, il n'était pas du tout connu en France. Comme quoi, il a un beau succès en France. Oui. C'est vrai. Et ce chat, donc, on l'a fait stériliser au mois de février. Oui. Le vétérinaire nous a proposé de le vacciner contre le coryza, ce que l'on a fait, avec le rappel au mois de mars. Oui. Et là, il se trouve que là, depuis une semaine, il se met à éternuer. Oui. Donc, on est allé consulter le vétérinaire. Alors, on se demandait s'il n'avait pas des boules de poils, parce que quand il éternue, on a l'impression qu'en même temps, il a du mal à déglutir. D'accord. Donc, il a eu un traitement contre les boules de poils, un traitement anti-inflammatoire, qu'il prend gentiment. Par contre, on doit le mettre dans une caisse pour lui faire des inhalations. Oui. Et là, ça l'a stressé complètement. Il a failli renverser sa caisse. Il s'est énervé. Ah. Et depuis, on ne peut plus le refermer dedans. Impossible. Voilà. Il faut dire la caisse, elle est, pour un Maine Coon, elle est un petit peu petite peut-être aussi. Aussi, peut-être. Oui, je pense que ça le rend claustrophobe. Oui. Moi, enfin, faut voir avec votre vétérinaire, mais si vous voulez faire des inhalations, peut-être le mettre plutôt dans une petite pièce comme les toilettes, par exemple. Voilà, attention qu'il ne se brûle pas, c'est le souci. Voilà, bah, voilà. Mais ce que vous mettez, c'est. Enfin, ça dépend comment vous faites l'inhalation, mais si c'est une inhalation basique, vous pouvez mettre le bol, enfin, où il y a l'inhalation, sous une cage, vous voyez. Ah oui. Justement, d'accord. Pour qu'il quitte ce... Voilà. Mais, voilà. Mais sinon, il a un traitement, c'est ça? Voilà. Là, on a terminé le traitement anti-inflammatoire hier. Oui. Hier soir. Et là, ce matin, là, de nouveau, au réveil, il éternue. Bon, là, il vient de sortir, mais il éternue. Et je me demande si le fait d'être vacciné, ça ne l'a pas protégé donc contre le coryza. Alors, faut savoir que le coryza, c'est vrai qu'on me le demande souvent. C'est mon chat, il éternue, mais il est vacciné. Alors, je comprends pas. Bon, d'abord, le coryza, c'est ce qu'on appelle un syndrome. C'est pas dû à un seul microbe. C'est dû à une association de microbes. Ce sont des microbes qui sont autant des bactéries que des virus. Et on sait que, d'abord, quand vous vaccinez contre le coryza, vous vaccinez contre certaines bactéries et certains virus, dont l'herpès virus. On sait aussi que le coryza diminue les risques que survienne le vaccin, pardon, diminue les risques de rechute de coryza, mais ne les annule pas. Et il diminue aussi les symptômes. D'accord. C'est-à-dire que vous avez des coryzas qui sont très grave et cette vaccination diminue justement les risques d'avoir un coryza très grave. D'accord. Mais faut savoir que certains virus du coryza, le chat les porte et le vaccin ne peut rien, enfin ne blanchit pas, si vous voulez, ce chat de ces virus. Mais il diminue les risques de rechute. Voilà. Alors je pense que votre chat a eu une petite fatigue dernièrement. Du coup, ça a favorisé la multiplication de certains microbes du coryza et dont les symptômes. Mais faut voilà, ça ne le vaccin lui-même diminue, comme je vous dis, les rechutes ou les symptômes graves, mais ça n'empêche pas que de temps en temps il peut avoir quand même des crises de coryza. D'accord. Hein, et donc pas... oui. Ce qui nous inquiète aussi, alors je sais pas si c'est lié, pardon, c'est que ce n'est pas un chat géant comme vous le disiez, il grandit pas énormément, il ne grossit pas, son poids stagne. Tiens. Il a quel âge? Il a eu un an au mois de mai. Il a un an. Un an. Oui, vous savez qu'il grandit jusqu'à 4 ans. Hein. Oui, mais il est pas. Il fait 4,8 kg, 4,9 kg, parfois il descend à 4,7 kg. D'accord. On a l'impression qu'il. Bon, il semble pas malade, hormis ça. Oui. Voilà. Alors, est-ce que ça sera un petit Maine Coon? Est-ce que c'est possible? Ben, parce que vous attendiez à avoir un chat de 10 kilos, c'est ça? On voudrait qu'il devienne grand. C'est un mâle. C'est un mâle? C'est un mâle, Chantal. Un mâle, oui. Parce que les mâles sont plus grands que les... Alors, vous savez, Chantal, vous avez dit au tout début, vous avez un Maine Coon non lof. Oui. Donc ça veut dire que, peut-être qu'il ne va pas grandir, peut-être, enfin voilà. Voilà. Parce que quand vous avez un non-lof, ça veut dire sans pédigré, donc vous ne savez pas... Il y a peut-être eu un mélange. Ah ben... On ne sait pas. Ah non, peut-être que... We don't know, comme on dit en anglais. Eh oui, c'est le problème des non-lof. C'est-à-dire, c'est pareil, moi il y a des personnes qui me disent « Ah ben moi j'ai pris un labrador, bon j'ai pas pris avec pédigré, parce que tout ça. » Par contre, je trouve qu'il est petit, mon labrador. Bah, je dis oui, mais vous avez pris sans pédigré. Le pédigré est quand même un papier qui prouve que votre animal est bien de race. Sans pédigré, vous ne pouvez être sûr de rien. Donc peut-être que Chantal, vous avez un petit Maine Coon, tout en sachant qu'il a qu'un an. Donc ne vous inquiétez pas, il va encore s'étoffer, comme on dit, c'est-à-dire peut-être un petit peu grandir en hauteur, mais surtout s'étoffer en muscles et voilà. Oui. Mais je ne peux pas vous dire comment il sera. Alors à un an, souvent les Maine Coon ne sont pas très grands à un an, comme je vous dis, ce sont des chats géants qui grandissent pendant plusieurs années, mais grandir pas forcément en hauteur, s'étoffer. Hein, donc il va et puis faites attention aussi, les Maine Coon de 10 kilos sont trop gros. Ah, donc normalement c'est 8 kilos donc, maximum. Ah oui, donc il est obèse. Les gens veulent des Maine Coon de 10, 12 kilos. Non, vaut mieux avoir. C'est pas un gros chat. Voilà, faut mieux c'est avoir. C'est un grand chat mais pas un gros voilà. chat. Voilà, et ces Maine Coon qui ont 10 à 12 kilos, ils ont bien souvent des problèmes d'articulation justement. Donc vaut mieux avoir un petit Maine Coon comme vous dites, même si 4-5 kilos c'est déjà pas oui, mal. C'est une belle bête. Hein. Oui. Merci Chantal pour votre appel et une caresse à ce Maine Coon. On enchaîne maintenant avec Michel qui nous attend au 32-16. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Bonjour. Voilà, je poserai une petite question parce que je suis d'un naturel interdisciplinaire. Voilà, c'est à propos d'une petite cavalier King Charles, dont je partage la garde avec ma fille et mon gendre parce que le matin, lorsqu'elle part travailler, elle la laisse chez moi, donc je l'ai du lundi au jeudi soir. Bon, elle a deux maîtresses. Alors j'espère que c'est pas un problème pour elle, mais pas elle semble être folleuse chez les uns et chez les autres. Écoutez, je pense qu'elle est très câlinée chez vous, très câlinée chez votre fille. Donc, elle est toujours avec quelqu'un. Elle est la plus heureuse du monde. Voilà. Apparemment, c'est les signes qu'elle donne d'affection, de tendresse. Enfin, nous l'adorons. Voilà. Mais maintenant, madame prend de l'âge. Elle a quel âge? Elle a, elle doit avoir environ 5 ans, je pense. Oui. Bon, et on a constaté qu'elle n'arrive plus à grimper sur les divans ou les lits qu'elle affectionne. Donc, elle a déjà vu une première fois un vétérinaire, enfin, son vétérinaire, qui a diagnostiqué une hernie discale. Ah. Il lui a donné, donc, un anti-inflammatoire suivi de médicaments. Oui. Et ça avait passé. Puis cet été, elle a couru sur la plage d'Ostende dans le Nord comme une folle, enfin, avec beaucoup de vivacité, d'entrain, mais elle recommence depuis 3 jours à ne plus pouvoir avoir l'élan pour grimper sur le lit. Elle est donc retournée chez le vétérinaire qui lui a à nouveau donné un anti-inflammatoire médicament pour 4 jours et qui dit que c'est quand même ennuyeux une hernie discale, qu'il fallait l'opérer. C'est pour cela que j'aurais aimé avoir votre avis. Est-ce que ça peut encore récidiver? Est-ce que ça peut être soigné? Et si elle a une fragilité au niveau de vertèbres, parce qu'une hernie discale, c'est un disque qui est entre deux vertèbres qui bouge. Comme chez nous, c'est exactement la même chose. Si ça bouge trop, alors ça fait mal. Donc c'est pour ça que comme elle a mal, elle veut pas sauter. Parce qu'en sautant, elle a encore plus mal. Tout comme elle veut pas, par exemple, monter dans la voiture. Je sais pas voilà, si c'est. Elle a du mal à descendre des escaliers. Oui. Voilà, parce que ça lui fait mal, tout simplement. Et d'ailleurs, quand on a une fragilité vertébrale, on évite que le chien saute, on évite que le chien monte ou descende des escaliers, ou monte ou descende de la voiture, déjà. Oui. Mais il peut courir, etc. Mais il faut faire vraiment très attention. Alors, on opère, quand la hernie bouge, quand le disque entre les deux vertèbres bouge et qu'il y a il y a un risque que cela appuie sur la moelle épinière et qu'elle devienne paralysée. Paralysée. Voilà. Ah oui, c'est que ça, il faut faire très attention à ça. C'est vraiment. Alors, quand il y a un début de problème d'hernie discale, c'est vrai que d'abord on enlève l'inflammation, donc on vous donne les médicaments. On fait maigrir le chien parce qu'il y a souvent aussi un surpoids avec. Oui, elle n'est pas grosse, on a toujours veillé. Bon, donc, où on évite qu'elle grossisse, en tout cas, et on évite, les escaliers, la voiture, les canapés, les lits, on évite tout ça. Concernant l'opération, c'est à votre vétérinaire de voir selon les examens complémentaires qu'il va faire, c'est-à-dire la radio, ça veut dire aussi voir même un IRM, un scanner, pour vraiment voir où on en est, s'il faut opérer ou pas, s'il y a un risque que ce disque bouge, et si c'est le moment ou pas d'opérer. Je peux pas vous dire c'est le moment ou pas d'opérer. En tout cas, c'est vrai que si ça évolue, il faudra opérer, bien entendu. Alors, est-ce que j'aimais savoir si l'opération peut présenter un risque, parce que toute opération peut présenter. J'anesthésie un chien, chirurgicale, voilà. À partir du moment où on fait une anesthésie, on a un risque, comme chez l'homme. Je peux anesthésier un chien parce qu'il a un épillé dans l'oreille. Je prends un risque, même si c'est une anesthésie de courte durée, Mais bien entendu, c'est comme chez l'homme. On a exactement les mêmes produits que chez l'homme. On fait exactement les mêmes protocoles que chez l'homme. Donc même vous êtes opéré pour un petit truc, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais vous inquiétez pas, c'est une opération que le vétérinaire fait, qu'on maîtrise aujourd'hui, bien sûr, les hernies discales. Certains vétérinaires sont même spécialisés dans tout ce qui est orthopédie. C'est quelque chose qu'ils font tous les jours. Mais Michel, en attendant, il faut faire des examens complémentaires pour voir s'il faut l'opérer ou pas. Et puis, quelque chose que je vous conseillerais de faire peut-être, c'est de muscler aussi le dos et les membres de votre chienne dans l'eau. Ça, c'est pas mal pour comme prévention, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hydrothérapie. Vous mettez le chien dans l'eau, vous savez, il y a des centres maintenant d'hydrothérapie, c'est de la rééducation fonctionnelle pour les chiens, dans l'eau chaude, alors soit chaude ou alors vous avez des tapis roulants dans l'eau chaude, et vous remusclez comme ça le dos, et ça permet, pourquoi muscler le dos? Tout simplement pour éviter justement qu'il y ait ce déséquilibre entre deux vertèbres qui fait qu'il y a une hernie discale. Merci Michel pour votre appel. Laetitia, on va bientôt revenir pour notre deuxième partie dédiée aux animaux entre 7h et 8h. Après la météo et les infos, on va parler de la plus belle crevette de Paris, les amis. Ça s'annonce quand même assez costaud, hein. On évoquera aussi les tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. On parlera d'apiculture et d'éléphants aussi. Voilà, de l'abeille à la crevette en passant par l'éléphant. C'est un joli panorama. Ce sera dans quelques instants, donc après la météo et les infos sur RMC. Puis je vous rappelle que vous pouvez à tout moment joindre notre veto ce matin, le 3216 pour joindre Laetitia Barlerin ou animaux@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro si vous nous posez votre question. À tout de suite. RMC 6h-8h. Vos animaux. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, on prend les paris. Au Canada, les box de stockage laissées à l'abandon sont mises aux enchères. Mais la vente se fait à l'aveugle. Qui remportera le gros lot? Storage Wars, adjugé vendu? C'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction. Canal 24. RMC, le dimanche soir, c'est le RMC Poker Show. Tous les dimanches minuit, retrouvez le RMC Poker Show avec Winamax. Les plus grands tournois, les anecdotes, les conseils avec Daniel Riolo et Moundir. Le poker dans tous ses coups, c'est le RMC Poker Show. Ce soir, dès minuit sur RMC. RMC Poker Show avec Winamax, site de poker en ligne. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. C'est l'heure de la météo sur RM. C'est la météo de ce dimanche avec Jérémy Suliman. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, le temps est variable aujourd'hui en France. Ce matin, on attend des averses des Alpes jusqu'à l'Alsace, de la pluie également et beaucoup de nuages du sud-ouest jusqu'en Auvergne. Et des nuages que l'on va retrouver aussi au nord de la Seine. Quelques averses sont également à prévoir, des averses beaucoup plus fréquentes près de la frontière belge, parfois accompagnées de quelques coups de tonnerre. Dans l'après-midi, les averses se feront beaucoup plus rares. Ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf dans le nord-est de la France. Partout ailleurs, les éclaircies vont finalement s'imposer. Pour les températures, ça reste frais au nord, un petit peu plus chaud au sud. Ce matin, comptez entre 5 et 19 degrés, cet après-midi entre 15 et 27. On attend 16 degrés à Lille, 18 à Paris et Strasbourg, 19 à Lyon, 25 à Marseille et Ajaccio. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isover et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Ouais, Isover est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec à 9h, Formule 1, départ du Grand Prix de Malaisie. 15h, Football Ligue 1, Angers-Marseille. 16h05, Hippisme, départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Montpellier. Et dès 17h, retour à la Ligue 1 avec Nice-Lorient, suivi à 20h45 du derby Lyon-Saint-Étienne. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC. Merci d'être avec nous, c'est RMC 7h. Toute l'actualité, Claire Tchekaglini. Bonjour Claire. Bonjour François, bonjour à tous. Toujours debout, comme le titre de son dernier album, et de nouveau sur scène, Renaud a entamé hier sa tournée. Eux se relèvent, les paroissiens de Saint-Étienne-du-Rouvray. Pour la première fois depuis l'assassinat du père Jacques Hamel, une messe sera célébrée cet après-midi, où seront aussi conviés de nombreux musulmans. De l'ambiance, de nouveau dans les tribunes au Parc des Princes, les ultras ont fait leur retour hier soir. Une présence sur scène comme une revanche sur la vie. Presque 10 ans que les fans de Renaud attendaient son retour. Coup d'envoi hier soir et Évry d'une tournée marathon pour le chanteur et des retrouvailles avec le public. Benjamin Smadja était dans la fosse. 20h05, enfin le rideau se lève. Renaud est là, veste en cuir et bandana rouge autour du cou pour entonner toujours debout son morceau manifeste. Un grand moment pour le public. Bah parce qu'on a pensé à un moment qu'on ne le reverrait plus. C'était la résurrection du phénix. Voilà, il est passé par des choses difficiles. Et là, c'était magique de le voir comme ça. Ça fait vraiment plaisir de le voir revivre comme ça. Génial. Pendant près de 2h30, un voyage entre chansons du nouvel album et tubes à l'ancienne. Renaud récite ses textes plus qu'il ne les chante, mais pour ses fans, l'essentiel est ailleurs. On le prend comme il est. Il y avait un petit problème de voir, tout le monde l'a remarqué, mais on le retient par rigueur. Le plus important, c'est ses mots, c'est ce qu'il nous dit, c'est les histoires qu'il nous raconte. Au fil des chansons, Renaud s'est senti plus à l'aise sur scène. Il lui reste encore 9 jours pour se roder avant la première grande étape de sa tournée, le Zénith de Paris. Et à Saint-Étienne-du-Rouvray, la première messe sera célébrée après l'assassinat du père Hamel. Cette messe devrait être de nouveau le symbole d'une fraternisation entre communautés religieuses. Mohamed Karabila est le responsable de la mosquée de la ville. Il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour savoir comment est-ce qu'on peut, vous voyez, participer à cet événement. Il y a déjà une forte demande, déjà. Ils se sentent vraiment impliqués en disant que c'est notre église, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Même si on est d'un autre culte, l'église, la mairie, la préfecture, la mosquée, c'est à nous, c'est aux citoyens, quoi. Ceux qui viennent à la mosquée, ils voient bien que les prêtres, ils sont avec nous en ce moment. Les contacts, ils n'ont pas cessé depuis la dernière fois, donc ils ont vu que notre place dimanche, c'est à côté de l'église, quoi. Condamnation par Bernard Cazeneuve des violences entre militants pro-migrants et forces de l'ordre hier à Calais. Hier, 5 policiers et un photographe ont été légèrement blessés. La Hongrie s'attaque aux migrants par les urnes. 8 millions d'électeurs sont appelés aujourd'hui à dire s'ils acceptent ou non d'accueillir 2000 réfugiés sur leur territoire. Dans les faits, la réponse est déjà très claire, comme l'explique Jean-François Dubost d'Amnesty International. Là, on a atteint le paroxysme. C'est vraiment le règne de la peur pour les réfugiés qui souhaitent se mettre à l'abri en territoire hongrois. Ce n'est pas possible. Il n'y en a que 30 qui passent par jour. Ça veut dire qu'il y a des centaines de personnes qui sont massées dans des conditions indignes, dégradantes. Ils se font pourchasser par des chiens. La Hongrie, en fait, s'assoit complètement sur ses principes et sur ses règles fondamentales de l'Union européenne en pratiquant de la sorte des renvois, des refoulements, des détentions aussi. Nous avons des cas de personnes mis hors du champ de vision de surveillance des vidéos dans un centre de détention pour pouvoir être frappées par des policiers. Voilà. C'est pour ça que nous parlons vraiment d'un règne de la peur pour ces réfugiés qui sont devenus à part entière des victimes. Et en Syrie, à Alep, un hôpital des quartiers rebelles a de nouveau été bombardé. Et hier, vendredi déjà, Médecins sans frontières avait supplié Damas et Moscou d'arrêter le bain de sang d'Alep. Hier, ce sont des Syriens qui sont venus devant l'ambassade de Russie à Paris crier leur colère, Antoine Boyer. T-shirt blanc maculé de sang et photos représentant l'horreur en Syrie, les manifestants crient leur colère. Association, syndicat, anonyme, ils sont une centaine sur le trottoir face à l'ambassade russe. Karima Deli, députée européenne Europe Écologie Les Verts. Je crois qu'il est grand temps de dire on a conscience de ce qui est en train de se passer. Si on ne fait rien, je crois que ça va être encore plus dramatique. Certains militants pour la paix se mobilisent depuis le début de la guerre. C'est le cas de Zaya, elle est franco-syrienne. En 5 ans, on est passé par tous les sentiments. On ne sait plus si c'est de la tristesse, de l'indignation, de la colère. En tout cas, on n'arrive plus à le définir. Puis une jeune russe crée un fort moment de communion en s'adressant directement à ses dirigeants. J'ai dit que tous les Russes ne soutiennent pas Poutine, qu'il y a les Russes qui soutiennent la Syrie libre, la Syrie démocratique, et pour leur dire qu'un jour, ils vont payer ce qu'ils ont fait. Depuis un peu plus d'un an, 3800 civils ont perdu la vie sous les frappes russes en Syrie. RMC 7h05. Football, suite de la 8e journée de Ligue 1, victoire hier du PSG face à Bordeaux 2-0. Les Parisiens jouaient à domicile dans un Parc des Princes qui avait retrouvé de la voix avec le retour des ultras, Georges Quirino. Ils étaient plus de 200 supporters ultra au milieu de la tribune Auteuil pour mettre l'ambiance pendant 90 minutes. Ils n'ont pas cessé de chanter, danser. Alors même si ce n'est pas encore le parc d'avant, il y a une amélioration pour le milieu de terrain parisien Thiago Motta. C'est beaucoup mieux. On a besoin. On a besoin parce que c'est sûr que ça va arriver des matchs compliqués. Et si on est ensemble, on est plus fort. Ensemble et sans débordement, le plus important pour le capitaine Thiago Silva. Les ultras, ils avaient la conscience maintenant que la vie, c'est plus important. Néanmoins, 6 cadres du collectif Ultra Paris ont été interdits d'accès au stade par la préfecture. Romain leur porte-parole. C'est triste quand même qu'il y ait encore 6 noms qui soient ciblés, interdits de rentrer, sachant qu'on est là pour faire un travail constructif avec le club, on ne comprend pas. Preuve que la réconciliation n'est pas encore totale, le Parc des Princes, lui, a en partie retrouvé sa voix. Ici c'est... Merci à vous. Et les supporters monégasques ont eux aussi pu donner de la voix après la victoire écrasante de Monaco face à Metz, 7-0. Monaco qui du coup prend la tête du classement. À suivre ce soir aussi le derby au parc de l'OL entre Lyon et Saint-Etienne. Un match où les Lyonnais n'ont pas le droit à l'erreur, comme l'explique l'attaquant Nabil Fekir. Pour moi, c'est le meilleur match de l'année. C'est un match qu'il faut gagner. Il n'y a pas d'autre issue, il faut le gagner. Tous les supporters, toute une ville est derrière nous. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. J'ai eu l'occasion d'en jouer deux. Voilà, c'est des matchs avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. On joue pour gagner ce match. Quand on croise des supporters, ils nous disent que c'est le match qu'il faut gagner. C'est une motivation en plus pour nous et pour eux. Nabil Fekir avec Mohamed Wafsi. Fin du rallye de France aujourd'hui en Corse. Hier, Sébastien Ogier a creusé l'écart avec ses concurrents. Il pourrait donc s'offrir aujourd'hui une victoire sur ce rallye et un titre de champion du monde. Une victoire serait pas forcément synonyme de titre mathématique ce week-end, mais on pourrait quand même dire que c'est une victoire synonyme de titre, parce que ça serait quasiment mission impossible, j'ai envie de dire, de le perdre derrière si on arrive à gagner quoi que Mikkelsen fasse. À 3 courses de la fin, c'est quand même très très confortable. Et puis, Sébastien Ogier au micro RMC de Camille Gelpi. Après Los Angeles, Budapest et Rome, Thomas Bach est à Paris ce week-end. Le président du Comité international olympique est en visite dans la dernière ville candidate pour les JO de 2024. Antoine Arlot. Le comité de candidature Paris 2024 n'a rien laissé au hasard pour la visite de Thomas Bach. Son programme a débuté hier par une rencontre avec de jeunes athlètes français, ceux qui seront peut-être les héros tricolores en 2024. L'Allemand s'est ensuite rendu dans un grand restaurant parisien pour un dîner organisé par la maire de Paris, Anne Hidalgo, avant de participer à la Nuit Blanche qui cette année était consacrée à la Seine. Une promenade sur les bords du fleuve lui avait ainsi été concoctée. C'est une véritable visite de chef d'État qui a en fait été organisée pour Thomas Bach, puisqu'après une présentation du projet parisien ce matin, il déjeunera tout à l'heure avec François Hollande à l'Élysée. Le séjour se terminera par un match de football entre des athlètes et une équipe de réfugiés. Une initiative qui devrait elle aussi plaire à l'Allemand qui avait été à l'origine de la création d'une équipe de réfugiés aux Jeux Olympiques de Rio. RMC 7h08, l'heure de retrouver François Sorel, entouré des experts, mais avant les pronostics, François. Avec le prix de l'Arc de Triomphe, Claire, hein, cet après-midi, la finale des Epic Series qui se tiendra donc cet après-midi à Chantilly. Et Sébastien Darras reste fidèle aux 10 Found, mais aussi aux 2 Postponed. Brahim Asloum aime beaucoup le 11 Arzand, et Laurent Guédard, quant à lui, retient l'As New Bay et le 7 Silver Wave. Le 10, le 2, le 11 L'As. Et le 7. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h09, merci de nous rejoindre. Peut-être venez-vous d'arriver sur RMC. Eh bien, sachez que vous êtes au cœur de ce week-end des experts, comme chaque samedi et dimanche. 6h, 10h, les meilleurs experts de France m'accompagnent. Le jardin à la maison le samedi. Tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Et là, on est au cœur de ce rendez-vous animaux. Sachez qu'exceptionnellement, notre rendez-vous auto ne durera qu'une heure, puisqu'à partir de 9h, vous retrouverez le Grand Prix de Malaisie en direct, en intégralité, avec toute la Dream Team donc d'RMC. Laetitia Barlerin est toujours là, à mes côtés. Et pour cette deuxième partie, on va débuter par les crevettes. Par un concours de Miss Crevette. Ah. Nous sommes avec Johan Petitjean qui est éleveur amateur de crevettes et qui va organiser un concours de beauté de crevettes. Il aura lieu le week-end prochain, oui, à l'occasion du salon Animal Expo. Vous savez, c'est le plus grand salon sur les animaux de compagnie. C'est au Parc Floral à Paris, hein. Exactement, comme chaque année. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Bienvenue. Bonjour. Alors, dites-nous un peu le concours de beauté de crevettes. Alors, on parle de crevettes d'aquarium, hein. Ce ne sont pas les crevettes que, François, vous pouvez voir sur les étals. Non, c'est pas celle-là. Les poissonniers. D'accord, j'ai bien compris. Alors, justement, ces crevettes d'aquarium, dites-nous, Johan, d'où viennent-elles? À quoi ressemblent-elles? En fait, c'est des petites crevettes d'eau douce qui font à peu près 2 cm maximum. À l'origine, bon, c'est des crevettes chinoises, mais elles ont été sélectionnées avec le temps, etc. Et elles ne ressemblent plus du tout à ce qu'on peut voir dans la nature. C'est des crevettes très colorées, en fait, petites, et puis il y a extrêmement plein de couleurs. Ça va du rouge au noir, en passant par le violet. Voilà. Et j'en ai vu aussi qu'il y avait des petites taches. Enfin, il y a vraiment... Alors, justement, ce concours de beauté de crevettes, sur quels critères vous allez noter les crevettes? On les note sur plusieurs critères, en fait. On les note sur un critère de taille, en fait, qui nous permet de savoir le niveau de l'éleveur par rapport à l'âge qu'a la crevette, quoi, en fait. Et une crevette, ça vit combien de temps? Une crevette, ça vit... En général, maximum 2 ans et demi, quoi, à peu près. Ah oui. D'accord. Quand même. Et donc, plus elle va en âge, plus elle est grande. Exactement, elle ne s'arrête jamais de grandir, quoi, en fait. D'accord. Et donc, vous regardez la taille, vous regardez la couleur, j'imagine? Oui, voilà, quoi. On regarde la taille, on regarde la couleur, on regarde la prononciation de la couleur qui va jusqu'aux pattes. On regarde aussi la définition des patterns, enfin, ce qu'on pourrait appeler les dessins. On regarde aussi l'opacité du blanc, parce qu'elles ont toutes du blanc qui est une couleur qui est commune à toutes, quoi, quasiment. Oui. Puis, on regarde aussi, vous avez déjà dit, oui, la couleur des pattes, la couleur du dessin, la taille, l'homogénéité de la taille, parce que c'est des groupes qu'on juge, quoi, aussi. D'accord. Donc, d'accord. Elles sont entre 3 et 6, quoi, en fait. Mm-hmm. Et on juge les 3 meilleures, si vous voulez, quoi. Enfin, les 3 plus belles sur les 6. Et sur ces 3-là, quoi, on regarde l'homogénéité de taille, l'homogénéité de patron et l'homogénéité, quoi, en général, quoi, en fait, tout simplement. Alors, vous savez, ce que j'ai vu, moi, c'est que les crevettes d'aquarium connaissent vraiment, c'est une tendance en ce moment, en aquariophilie. D'où vient cet engouement pour des crevettes, hein? Au niveau géographique, quoi, en fait, ça vient d'Asie. Ça viendrait plutôt... Du Japon, entre Taïwan et Japon, quoi, en fait, ouais. Entre Taïwan et Japon, ils disputent un peu la place régulièrement, mais ça vient de là-bas, quoi, effectivement. Alors, si on veut avoir des crevettes, que mangent-elles? Parce que là aussi, on dit beaucoup qu'elles sont recommandées, comme solution bio, anti-algues dans les aquariums. Ah oui. Parce que les algues, c'est quand même un des grands problèmes des aquariums. Donc ça nettoie les algues, c'est ça? Enfin, ça les mange. Alors, en fait, quand il y a des animaux qui nettoient les algues complètement, quoi, ça n'existe pas, quoi, en fait, quoi. C'est à nous de créer un équilibre dans l'aquarium pour pas qu'il n'y ait d'algues. Si on rajoute des crevettes juste pour régler ce problème d'algues, ça ne le réglera pas, quoi, en fait, hein, tout simplement, quoi. Alors, elles mangent quoi? Alors, elles mangent, effectivement, un petit peu d'algues, mais c'est pas leur nourriture principale. Et elles mangent beaucoup, en fait, on le voit pas, en fait, c'est des micro-bestioles, c'est de la microfaune, ce qu'on appelle, en fait, quoi. Et cette microfaune, elle se reproduit, en fait, sur tout ce qui est un petit peu en décomposition, quoi, en fait. D'accord, ah oui. Voilà, alors... tout simplement, quoi. Et en fait, ces petites bêtes-là, on les voit pas à l'œil nu. Ah, ce qu'elles mangent. Mais voilà, tout à fait. Les petites bêtes qu'elles mangent, on ne les voit pas à l'œil nu. Mmh. Alors, vous avez dit que c'était des toutes petites crevettes, hein. Elles ont maximum 2 cm, hein, c'est ça? Voilà, en longueur. 2 cm, voire 3 cm, elles sont très vieilles, mais bon, là, on arrive dans des cas exceptionnels. Alors, leur engouement pour, l'engouement qu'on peut connaître en aquariophilie pour les crevettes va de pair avec l'engouement pour ce qu'on appelle les nano-aquariums. C'est les petits aquariums qui deviennent des exactement. Objets de décoration, hein, c'est vrai, dans nos salons, on a nos nano-aquariums. Alors, quel est le volume minimum d'un aquarium pour quelques crevettes? Moi, je dirais, quoi, si c'est un truc qu'on veut qu'il soit un minimum durable, il faut compter entre 20 et 30 litres, en fait, à peu près. 20 et 30 litres, c'est quand même beaucoup. Non, c'est à peu près le minimum. En fait, dans ce volume-là, aucun poisson peut vivre, hein, quasiment, quoi. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc on peut mettre, voilà on les fait pas cohabiter avec d'autres poissons, mais juste des crevettes. Celles-là, oui, exactement, quoi. Les crevettes qu'on peut mettre avec des poissons, c'est les multidentata. Oui. Et c'est ce qu'on appelle les crevettes japonica, qui sont grandes, qui ressemblent à des grosses crevettes grises comestibles, quoi, en fait. Et celles-là, celles-là sont un peu plus grandes et on peut les mettre avec des poissons, quoi, d'accord. Dans des aquariums communautaires. Mais sinon, pour les crevettes là qu'il va y avoir au concours, c'est déconseillé de les avoir avec des poissons, quoi, parce que là, ça les stresse et puis c'est leur prédateur, etc., quoi, en fait, tout simplement. Yoann, ça coûte combien ces petites crevettes? Ça va du tout au tout, quoi, en fait. Hein. Ça peut commencer à 1 €, et puis si on va dans la folie des Japonais, quoi, ouais. Ça peut monter très, très, très, très haut, quoi. C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire, ben, ça dépend, quoi, parce que c'est des enchères, c'est des trucs comme ça, donc ça peut monter très haut. Moi, j'ai déjà vu des trucs qui dépassaient les 1 000 €, quoi, en fait. Ah oui, pour la crevette. Voilà, pour une crevette. Ah oui. Mais ça reste de l'ordre de l'exceptionnel, c'est pas ce qu'on voit tous les jours dans les aquariums. Oui, bien sûr. Voilà, évidemment. Ouais. Bon, Yoann, quand vous en avez marre de tout ça, vous les mangez pas, vos crevettes, quand même? Non, jamais. Bien sûr. Mais il n'y a pas grand chose à manger non plus. Hein. Bah, si, il y en a beaucoup. Oui, il y a plus de carapace qu'autre. Oui, il y a plus de carapace. Bon. Merci, sûr. Johan. Et puis, merci. Donc, on se donne rendez-vous si ce sujet vous intéresse la semaine prochaine au Parc Floral, le week-end prochain, Laetitia. Voilà, à Animal Expo. C'est un salon, le salon des animaux de compagnie. Vous verrez bien sûr des crevettes et ce concours, mais bien d'autres animaux, oui. Des chats, des chiens, des, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Voilà, tout cet univers se retrouve au parc floral de Paris. Pardon. 7h17, Laetitia, on revient dans un petit instant. On va poursuivre notre week-end des experts et on va parler des tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. Le 3216, animaux@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler, les amis. À tout de suite. RMC, 6h-8h. Vos animaux. RMC. Ce week-end, les Formule 1 roulent le matin pour le Grand Prix de Malaisie à Sepang. Ce matin, dès 9h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. S'il vous plaît, j'ai une annonce à faire. Comme vous le savez, toutes les entreprises doivent souscrire à une complémentaire santé. Je l'ai fait. Des questions ? Oui, Catherine ? À quoi a-t-on droit avec notre mutuelle ? Est-ce qu'on peut savoir où on en est dans nos remboursements, par exemple ? Ah, bonne question, Catherine. D'ailleurs, faut arrêter avec les bonnes questions. Hein. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Catherine aurait pu profiter d'une application de gestion personnalisée pour ses dépenses de santé. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Twingo est à partir de 99€ par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70, LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500€ si acceptation par Diac et SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. RMC, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 7h19, le week-end des experts, les animaux. Notez que tout à l'heure, nous allons parler d'apiculture. On va pouvoir parrainer des ruches, Laetitia. Pourquoi ne pas parrainer des ruches ? Eh oui. C'est vrai, on parraine beaucoup d'animaux, on voit disparitions dans le monde. Oui, ça peut être sympa. Mais ça peut être sympa. Attention, on parraine des ruches et non pas des riches. Parce que parrainer des riches, ça n'a pas de sens. Mais parrainer des ruches, oui. Et puis, tout à l'heure... Non, parrainer les riches, c'est les banques. Hein, voilà, c'est ça. C'est qui parrainent les riches. Hein. Tout à fait. Et puis, on évoquera aussi les éléphants tout à l'heure, Laetitia. Oui, parce qu'ils sont en déclin, mais il y aurait peut-être des solutions. Et ces solutions viendraient aussi peut-être du tourisme. On en saura plus tout à l'heure. Voilà. Et puis, bien sûr, le 3216, animaux@rmc.fr. C'est votre rendez-vous dédié aux animaux. N'hésitez pas à nous appeler. Laetitia, on va poursuivre ce rendez-vous dédié aux animaux avec une bonne nouvelle. L'Europe interdit les tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. Voilà, il les interdit totalement. On va voir ça avec Audrey Jougla, qui est auteure du livre Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement. Audrey, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous rejoindre en studio. Alors, on vous avait reçu justement en début de cette année pour votre livre, parce que vous aviez effectué une enquête d'un an dans les laboratoires qui utilisent les animaux. Et là, on vient de le dire, la Cour de justice de l'Union européenne vient d'annoncer que les produits cosmétiques testés sur les animaux seraient interdits désormais en Europe. Alors, on est quand même... Seraient ou sont ? On est en droit de s'étonner parce qu'en 2013, déjà, on l'avait annoncé. Ouais. Alors, c'est quoi la différence ? Exactement. Alors, du coup, on était un peu perplexe quand on a vu ça. Enfin, en tout cas, je me mets à la place aussi des consommateurs. On se dit, bon, on nous a dit quelque chose au final. Qu'en était-il ? Puisque ouais, on nous aurait menti, peut-être. en fait, c'est une réponse de la Cour de justice de l'Union européenne à une question d'un syndicat de fabricants d'ingrédients de produits cosmétiques qui avait un doute. Si je schématise un petit peu, il se demandait en fait s'il pouvait commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des produits qui avaient été testés pour des raisons de législation pour d'autres pays étrangers, par exemple la Chine ou le Japon, qui oblige les tests cosmétiques pour justement avoir sur les animaux. Exactement. Et donc il se posait la question, dans la mesure où les tests ont été faits pour d'autres pays, est-ce qu'on peut commercialiser en fait ces produits-là sur le territoire de l'Union si les tests n'ont pas été faits dans l'Union européenne ? C'était un peu la question qui était posée. Voilà, parce qu'en fin de compte, la Cour européenne, enfin l'Union européenne interdisait les produits testés en Europe, en fin de compte. Alors, ce qui était interdit, c'était les ingrédients et les produits finis, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y avait un flou sur cette question-là, et d'où la question, des fabricants, enfin du syndicat qui s'appelle l'EFCI. Et la réponse a été assez catégorique. La réponse de la Cour est en fait que dans l'esprit du texte de loi, en tout cas, qui est donc la législation de 2013, le consommateur ne veut pas, en fait, le consommateur européen ne veut pas de produits testés sur les animaux. Donc, que ça a été fait en Europe ou ailleurs, ça n'a pas d'incidence sur l'entrée, en fait, et la commercialisation. Enfin, voilà, c'est de toute façon, l'esprit, c'est pas de test sur les animaux. Donc, la réponse de la Cour est non. Vous ne pouvez pas commercialiser ces produits-là en Europe. Mais ça veut dire parce qu'il y a beaucoup de produits, parce que ça concerne ce qu'on appelle les produits de beauté, tout simplement. Les produits cosmétiques, cosmétiques, ça c'est va. C'est l'hygiène. On part du savon jusqu'au shampoing, jusqu'à la crème de visage, les parfums, les rouges à lèvres, etc. Mais beaucoup de ces produits viennent de l'étranger. Bon, même si, quand même, on a notre savoir-faire français ou européen, mais il y a quand même d'autres. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui vont plus être vendus. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a trois exceptions, en fait. Si on schématise. Il y a toujours des exceptions à la règle. C'est pour ça qu'il y a des logos, et c'est pour ça que les gens sont un peu perdus, parce que c'est pas clair, finalement. Pour faire simple, il y a trois cas de figure. C'est-à-dire que l'interdiction, donc, de tests sur les animaux pour les produits cosmétiques, on parle que de ça, ça concerne évidemment la mise sur le marché de nouveaux produits. Les nouveaux, c'est-à-dire anciens, après mars 2013, après la législation, en fait, après l'entrée en vigueur de la législation. D'accord. C'est pour permettre un renouvellement, en fait, des produits. Mm-hmm. Deuxième exception, ça concerne que les composants qui sont utilisés à des fins cosmétiques. Donc, s'il y a des ingrédients, en fait, comme les solvants ou les stabilisateurs, les conservateurs, j'ai envie de dire, qui sont utilisés pour autre chose, par exemple en pharmacie, ça peut être testé sur les animaux. D'accord. Ça ne concerne que les ingrédients à vocation cosmétique. Et troisième exception, c'est que, évidemment, pour les composants ou ingrédients qui sont purement cosmétiques, ça peut quand même être testé dans la mesure où il faut protéger la santé des travailleurs qui vont faire le processus de fabrication. Donc, il y a quand même trois mais, en fait. Et ça, on n'en a pas conscience quand on parle de cette législation. Et effectivement, c'est un vrai plus. Cette nouvelle-là, c'est une vraie bonne nouvelle parce que c'est quand même une réaffirmation du droit européen qui dit les consommateurs ne veulent pas de ça, donc c'est non. Ça aurait pu être une réponse inverse. Hein. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est pour ça, la raison pour laquelle il y a encore des logos, en fait, non testés sur les animaux. Ça veut dire quand même qu'avant, un produit même français, par exemple un rouge à lèvres français, pouvait être testé à l'étranger et être importé et de l'étranger. Vendu, voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, avant mars 2013, il n'y avait pas vraiment de c'était pas arrêté, voilà. On savait pas trop, il y avait un flou sur cette question-là. Mmh. Et c'est vrai que la législation, il y en a eu deux. Une d'abord sur les ingrédients, une autre sur les produits finis. Et ces deux législations-là ont quand même bien défini les choses par rapport à la non-commercialisation de produits à partir de mars 2013, toujours, hein, puisque ça concerne pas ceux d'avant. Alors, est-ce qu'on peut donner des marques de produits étrangers qui sont vendus en France? Oui. Qui testent, bah oui, trois. Il faut en donner trois, parce qu'après c'est bon. Si on n'en donne qu'une. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'évidemment, donc ce qu'ils répondent, c'est qu'ils ne testent pas, ils respectent la législation, la sécurité. Alors moi, je leur écris régulièrement, donc pour avoir des réponses quand même actuelles. Donc c'est toujours. Et ils vous répondent ou pas? Ça dépend. Alors, il y en a qui ne. J'ai aucune réponse et il y en a qui répondent des courriers assez du service juridique, évidemment. Où évidemment, c'est le respect de la législation en vigueur où les tests sont pratiqués uniquement si le pays l'oblige. Voilà, donc comme ça ils sont protégés derrière l'obligation. Mais par exemple, c'est vrai que pour ce qui est du groupe L'Oréal, qui a énormément de marques, c'est très compliqué de savoir précisément où ils en sont dans les tests, c'est-à-dire quels tests sont pratiqués. Concrètement, quelles expériences? Parce que moi, c'est ça qui m'importe en tant que consommatrice, c'est de savoir si derrière ce que j'achète, il y a de la souffrance, quelle souffrance, comment, quelles espèces, et ça, il y a un flou total. Et quelles espèces, justement, sont... Alors, c'est très souvent... Ou étaient, ou sont... concernés. Très souvent des rongeurs et des lapins. Alors les lapins, pour une raison simple, c'est que les lapins en toxicité, en fait, ne se nettoient pas les yeux, ne pleurent pas ou très peu. Donc les tests de toxicité qu'on fait sur les yeux des lapins, genre les mascaras. Alors c'est, on leur met pas du mascara, mais c'est parfois c'est non, ce qu'on imagine. On va pas les maquiller, quoi. Voilà, mais on va mettre les substances qu'il y a dans le mascara pour irriter les yeux. Et c'est extrêmement douloureux. C'est-à-dire que quand on parle de tests cosmétiques, il y a un petit côté gentil, enfin dans l'expression, on n'a pas l'impression que c'est très très invasif ou très. C'est des tests qui sont extrêmement cruels. Et ça, c'est vraiment important de le répéter parce que les gens ne se rendent pas compte de la souffrance qu'il peut y avoir derrière. Donc, bon, en tout cas, vous êtes là aujourd'hui pour nous dire que on va dans le bon sens. Oui, et c'est quelque chose qui est vraiment important parce que c'est parfois on se sent un petit peu désemparé par rapport à ce genre de sujet. On se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Alors évidemment, acheter les marques, soutenez les marques qui mettent mais en comment, avant. Mais comment le savoir? Est-ce alors, qu'il y a un logo? Oui, il y en a plusieurs. Ils n'ont pas tous les mêmes. Il y en a qui prennent en compte le fait que la marque commercialise en Chine ou pas. Parce que ça, c'est important, puisque dès qu'une marque commercialise en Chine, elle teste. Mais par obligation. Évidemment, légale. Mais effectivement, il y a un logo qui est celui de One Voice. Il y en a un autre qui est Cruelty Free de PETA. Il y a pas mal de petits logos. Et on trouve des listings de marques vraiment très facilement. J'incite vraiment tous les auditeurs à faire juste cette petite recherche pour savoir à peu près qui fait quoi. On trouve ça très facilement sur le web. Exactement, sur Internet, on trouve ça très facilement. Et il y a plusieurs listings. Et après, c'est vraiment une question de changement d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas forcément des marques qu'on va trouver en grande surface comme on avait l'habitude parfois, sauf le petit Olivier, je peux citer je pense cette marque-là, puisque c'est une marque qui courageusement a refusé de commercialiser en Chine, par exemple. D'accord. Ah oui, bah, du coup, il se ferme à quand même de certaines... Exactement. Oui, certains marchés. Mesdames, on revient dans un instant, il est bientôt 7h30, le 3216 ou animaux@rmc.fr si vous voulez réagir, on va retrouver la météo, les infos et on est de retour. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. J'ai 20 secondes pour vous dire que chez Feu Vert, ce sont les 30 jours de l'expert. 30 jours d'offres tip-top. Exemple, vos premières plaquettes de frein Bosch sont à 1 euro. Puis, elles vous sont offertes à vie. Mais attention, vous n'avez plus que 4 jours pour en profiter. Alors vite, il n'y a pas une seconde à perdre. Voir conditions sur feuvert.fr. Et c'est avec Jérémy Souliman qu'on fait un point complet sur la météo de ce dimanche. Bonjour Jérémy. Bonjour François, bonjour à tous. Eh bien, c'est un temps variable qui va encore dominer aujourd'hui en France. Ce matin, on attend des averses des Alpes jusqu'à l'Alsace, de la pluie également et beaucoup de nuages du sud-ouest jusqu'en Auvergne. Des nuages qu'on va retrouver aussi au nord de la Seine. Quelques averses sont également possibles en cours de matinée. Des averses beaucoup plus fréquentes près de la frontière belge, parfois accompagnées de quelques coups de tonnerre. Dans l'après-midi, les averses se feront beaucoup plus rares, sauf dans le nord-est de la France. Partout ailleurs, les éclaircies vont finalement s'imposer. Pour les températures, ça reste frais au nord, un petit peu plus chaud au sud. Ce matin, comptez entre 5 et 19 degrés, cet après-midi entre 15 et 27. On attend 16 degrés à Lille, 18 degrés à Paris et Strasbourg, 19 degrés à Lyon, 25 degrés à Marseille et Ajaccio, 27 degrés la maximale pour Toulon. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. C'est RMC, merci d'être avec nous, il est 7h30. Un point sur l'actualité, Claire Checagnini. Bonjour Claire. Bonjour, toujours debout, c'était le titre de son dernier album. Et une nouvelle fois sur scène, c'était hier soir à Évry. Renaud vient d'entamer une tournée marathon. La cérémonie devrait une nouvelle fois réunir toutes les communautés religieuses. Cet après-midi sera célébrée la première messe en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray depuis l'assassinat du père Jacques Hamel. C'était le 26 juillet dernier. Condamnation par Bernard Cazeneuve des Heures hier après-midi à Calais. Plusieurs dizaines de militants no border et donc pro-migrants se sont affrontés avec la police s'ils voulaient manifester malgré une interdiction de la préfecture. Nicolas Sarkozy opposé à ce que des électeurs de gauche participent à la primaire de la droite. Message passé hier lors d'un meeting au Sable d'Olonne. Référendum aujourd'hui en Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban appelle les électeurs à se prononcer contre le principe de répartition des migrants voulu par l'Union européenne. Bruxelles souhaiterait que Budapest accueille 2000 réfugiés. En football, suite de la 8e journée de Ligue 1, victoire du PSG face à Bordeaux, 2-0. Une victoire à domicile pour les Parisiens dont les supporters ultra avaient été de nouveau admis au Parc des Princes. Une très belle soirée également pour Monaco qui se hisse en tête du championnat après avoir sèchement battu Metz, 7-0. À suivre ce soir le derby entre Lyon et Saint-Étienne à 20h45. En Formule 1, Grand Prix de Malaisie ce matin, Lewis Hamilton s'élancera en pole position. RMC 7h31, le retour tout de suite de François Sorel. Et de Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Merci Claire. Et on vous retrouve à 8h pour un point complet sur l'actu. Le 3216, animaux@rmc.fr. A tout de suite. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. 7h32, merci de nous rejoindre. Et bienvenue, c'est RMC, c'est le week-end des experts, c'est les animaux. Et à partir de 8h, nous irons au Mondial de l'Auto qui a ouvert ses portes hier hein, pour le grand public. Bien évidemment, on va s'intéresser à ce grand salon, à ce grand rendez-vous dédié à l'automobile avec Jean-Luc Mouret, nos invités. Mais d'ici là, avec Laetitia Barlerin, on va évoquer tout à l'heure les éléphants, on va parler aussi d'apiculture. Mais nous sommes toujours dans ces tests sur les animaux dans le domaine des cosmétiques. Ces tests qui ont tendance, petit à petit, Laetitia, à disparaître. En tout cas, ils sont interdits, c'est ce qu'on vient de le dire, avec Audrey Jougla, qui est toujours avec nous, auteur du livre « Profession animale de laboratoire » aux éditions Autrement. Alors, ce que l'on disait, c'est que certaines marques qui vendent dans certains pays où là, on a une obligation quand même de tester tous ces produits cosmétiques sur les animaux, ces marques-là vendent en Europe. Alors comment tous ces produits, est-ce qu'ils vont être autorisés en Europe? Alors en fait, la réponse, et c'est pour ça que la réponse de la Cour, elle est assez importante, parce que même si c'est pas ça confirme en fait une intention juridique, comme le dit en fait, je reprends la phrase du communiqué de presse de la Cour de justice qui est très claire, l'accès au marché de l'Union est conditionné au respect de l'interdiction de recourir à l'expérimentation animale. Et finalement, c'est exactement ça, c'est-à-dire que les produits qui vont être testés pour le marché chinois, par exemple, ou le marché japonais, puisque ne sont pas commercialisés ensuite dans l'Union européenne. Donc les grandes marques devront faire des produits spécifiquement pour le marché asiatique, par exemple, et des produits qui seront différents. Alors, le marché européen. Ça, c'est pour les produits finis, mais c'est vrai qu'après, il y a la question des ingrédients, évidemment, qui rentre en ligne de compte. Et comme je le disais, il y a quand même trois petites ou grosses exceptions, ça dépend des catégories qu'on met, par rapport aux cosmétiques, c'est-à-dire on parle des ingrédients uniquement à usage cosmétique et pas des autres qui peuvent être utilisés, notamment en pharmacie. Mm-hmm. Et ces ingrédients-là sont testés toujours sur les animaux, notamment en toxicologie. Donc, c'est plus dans le domaine, si vous voulez, des cosmétiques, mais c'est dans la toxicologie qui peut avoir un usage médical. Et ça, c'est quelque chose d'assez pervers, parce que finalement et c'est pour ça qu'il y a des marques qui revendiquent ne pas tester sur les animaux alors qu'il y a cette législation-là. Donc je comprends tout à fait quand en fait les consommateurs disent mais qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on n'a pas compris, les informations sont contradictoires. Et c'est vrai qu'en tout cas la tendance elle est très forte. Et, mais il y a déjà une tendance, parce que déjà cette législation pousse quand même les producteurs à chercher autre chose. Tout à fait. Ce qu'on appelle les méthodes alternatives pour tester les cosmétiques. C'est des méthodes, bien sûr, que vous défendez. Il y a certaines industries quand même qui disent qu'ils ne trouvent, enfin, qui se plaignent du manque de solutions pour tester leurs produits. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors ça concerne notamment ce qu'on appelle la toxicologie systémique, c'est-à-dire quand en fait le fabricant va dire j'ai besoin d'un organisme vivant entier. C'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a certains ingrédients, on a parlé par exemple des sels d'aluminium dans les déodorants. Il y a eu une étude récente qui disait qu'il y avait c'était un des facteurs du cancer du sein, ce serait un des facteurs du cancer du sein. Comment peut-on faire avec ces méthodes alternatives? Quelles sont ces méthodes alternatives? Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de modélisations, évidemment, qui modélisent, en fait, alors, les réactions des organes. C'est très performant. C'est ce qu'on appelle les méthodes in silico. Il y a évidemment les méthodes in vitro. Il y a les méthodes ex vivo. C'est des tissus qu'on utilise. Mmh. Et surtout, et ça, c'est très peu connu, mais il y a des reproductions, par exemple, de peau. Donc ça, c'est pas de la toxicologie systémique, comme on le disait. Mais c'est très utilisé, notamment L'Oréal, un laboratoire qui s'appelle Episkin, qui reproduit de la peau humaine et qui permet d'éviter les tests sur les peaux d'animaux vivants et évidemment la souffrance animale, puisque c'est une peau qui a les mêmes propriétés que notre peau. Tout à fait. Et ça se fait beaucoup, et il y a aussi une autre société qui produit de la peau avec de l'imprimante, une imprimante 4D qui produit de la peau humaine. Ça se fait de plus en plus, et ce que disent effectivement tous les fabricants d'ingrédients, etc., c'est que la législation a été finalement appliquée assez vite. qu'ils ont été un peu pris de court et que ça a encouragé le développement de, évidemment, finalement, c'est, on voit bien que c'est d'abord la société civile qui est consciente d'un problème, qui se mobilise, ensuite le droit et finalement le secteur privé, etc. et la recherche qui se met en place derrière. Donc c'est pour ça, c'est vraiment important que la société civile soit à la base de tout ça et c'est pas inutile. Plus on est sensibilisé, plus il y a des projets justement européens qui peuvent être appliqués et mis en place. Et c'est ce que disent tous les députés. Enfin, c'est... Mais est-ce que concernant justement cette peau, bon, c'est l'effet sur la peau, on peut le voir sur cette peau artificielle, on va dire. Mais l'effet systémique, c'est-à-dire dans l'organisme. Et ben voilà. Et là, c'est très compliqué. C'est un problème. C'est très compliqué parce que Que le produit va dans la peau, mais peut aller dans le sang, peut atteindre l'organisme. Exactement. Alors, il y a quelques solutions qui existent. Notamment, il y a une solution qui est développée par une entreprise qui s'appelle Celescreen, qui a trouvé en fait le moyen d'utiliser un verre qui s'appelle le verre C-élégance. Un verre de terre, un tout petit verre. Ah, d'accord. Le C-élégance, voilà, qui est un petit verre qui est très connu en recherche. Et en fait, ce verre-là permet donc de reproduire la toxicologie systémique avec une ingestion, du produit, bien sûr, et de voir les effets. Alors Les détracteurs vous diront que c'est inverse, n'est pas un mammifère. Alors moi, je suis désolée, évidemment, je suis abolitionniste et mon propos, c'est évidemment de défendre tous les animaux. Et pour moi, le poisson a les mêmes droits que le chimpanzé. En revanche, je trouve quand même que c'est mieux de faire ça sur des vers que sur, enfin voilà, des primates. C'est quand même le sens commun aussi. On peut imaginer que le degré de souffrance du ver ne soit pas le même, en tout cas comparable à un animal. Oui, et puis en plus en termes de évidemment de souffrance, de nuisance, de conditions de vie, etc. Je pense que là c'est quand même. En tout cas, les Pays-Bas entendent de mettre fin à tout test sur les animaux, que ça soit pour les cosmétiques, bien sûr, on vient d'en parler, mais aussi pour d'autres, pour les laboratoires, la recherche, d'ici 2025. Oui. Alors est-ce qu'on trouvera des méthodes, alors bien sûr ils demandent à connaître des méthodes alternatives, hein, justement, est-ce que d'ici 2025 on pourra ne plus faire de tests sur les animaux? Alors ça c'est une excellente nouvelle effectivement qui a été relayée par PETA et c'est vrai que ça pousse, comme je le disais, ça met des délais en fait, ça permet d'avoir des objectifs et si on n'a pas ça, il se passe rien, il y a une certaine inertie et j'en profite pour mentionner le projet pilote qui a été validé par la commission du budget de l'eurodéputé Younous Soumarji, qui justement met en avant le développement, le financement des méthodes alternatives. Donc ça va dans ce sens-là aussi. Et ça, c'était la semaine dernière. Donc c'est aussi une bonne nouvelle qui est tout à fait récente. Et tout ça, ça va. On voit bien que c'est un contexte en fait qui est vraiment porteur d'espoir en tout cas. Pour une fois qu'on a une bonne nouvelle, on peut se satisfaire d'un sujet grave, c'est bien. C'est et en 2025, alors là, on sabre le champagne. J'espère. Alors, en tout cas, il faut toujours des précurseurs parce que vous savez, c'est très net. On voit quand il y a des pays qui commencent à avoir une législation positive dans ce sens-là, il y a une pression qui s'accroît sur les autres pays. Et effectivement, ça paraît très long à notre petite échelle. On se dit, oh là là, c'est impossible. Mais ça commence par les cosmétiques et ça s'étend. Et finalement, c'est une propagation du droit qui est assez assez bénéfique. Parfait, merci beaucoup Audrey. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Donc je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui s'appelle Profession animale de laboratoire aux éditions Autrement. Oui, et je voulais juste rajouter une petite chose. Oui. Je sais que le livre effraie beaucoup et on se dit oulala, je ne veux pas lire ça. Voilà. Ce que j'allais dire justement. Parce que mais s'il vous plaît, je dis à tout le monde, lisez les premières pages parce que c'est pas. On est dans une enquête. Voilà, et c'est important de le dire parce que je sais que le sujet fait peur et. C'est vrai. C'est vrai que le titre. Choquer. Alors, en fin de compte, c'est juste, on est comme dans une enquête. Vous parlez à la première personne. Vous allez dans les laboratoires. On voit un peu comment vous rentrez dans les laboratoires parce que c'est quand même un peu. Ouais. Voilà. C'est compliqué. C'est très compliqué. Hein, les portes ne s'ouvrent pas comme ça. Et justement, on lit ce livre comme une enquête. Merci beaucoup, Laetitia. On a parlé des vers de terre. Maintenant, on va aussi s'intéresser à un tout petit animal. Après, ce sera un énorme. On va évoquer les abeilles et l'apiculture. Voilà. Et nous sommes avec Olivier Demetsch, qui est cofondateur de l'association Un Toit pour les Abeilles, qui propose de parrainer des ruches. Olivier, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour à tous. Bonjour. Alors, parrainer des ruches, c'est quand même un concept innovant. Pourquoi un tel projet? Ben en fait, comme toutes les entreprises qu'on crée, c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu par hasard. Tout d'un coup, on a été sensibilisé à la question de l'apiculture par un ami. Et on a souhaité installer une ruche pour notre équipe. Et puis, on a commencé à faire de l'apiculture en équipe. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais il y a peut-être d'autres entreprises, d'autres personnes qui aimeraient participer à notre aventure. Et puis, c'est comme ça que cette aventure a commencé en 2009, lorsqu'on a voulu participer à la mise en avant de la problématique de l'abeille dans le monde. Bah, oui, parce qu'on sait, et ça on en parle souvent dans notre émission, que il y a encore des menaces, beaucoup de menaces qui pèsent sur les abeilles, mm-hmm. l'apiculture. D'ailleurs, il paraît que les derniers chiffres sur les récoltes de miel en 2016 sont catastrophiques. C'est catastrophique en effet, parce que dans la pire année jamais connue. Si vous voulez, en 2016, on a récolté à peu près 9000 tonnes de miel. Il y a 20 ans, on était à 35 000 en France. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Cette année, c'est vrai qu'il y a eu une météo un peu particulière. C'est vrai aussi. L'hiver a été très doux et du coup, les abeilles n'ont pas eu de pause hivernale. D'accord. Donc, elles ont puisé dans leurs réserves. Ensuite, on a eu de la pluie. Beaucoup de pluie et des inondations. Exactement. Donc, les abeilles ne sont pas trop sorties. Mm-hmm. Et puis ensuite, l'été a été très sec et les fleurs ne sont pas restées très longtemps. Donc, c'est vrai ça, que c'est une année plus le reste. Plus voilà, le reste. Exactement. C'est-à-dire les pesticides, bien sûr. Exactement. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans la disparition de l'abeille. Les pesticides, la monoculture aussi, parce que quand on a une abeille, ça va à quelques petits kilomètres à la ronde de la ruche. Et quand autour, on n'a que du maïs ou que du blé et qu'il n'y a pas de diversité alimentaire, ben forcément, ça affaiblit aussi l'abeille. Mm-hmm. On a le varroa, qui est aussi... un parasite de la ruche. Mm-hmm. Exactement, un parasite de la ruche. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui mettent en danger l'abeille. Et au-delà de la préservation de l'espèce, qui est déjà quelque chose de très noble, bien entendu, ben, l'abeille, on en a vraiment, vraiment besoin. Alors justement, le fait de parrainer les ruches, concrètement, comment ça se passe? On aide, en fin de compte, des apiculteurs à acheter un essaim, acheter une ruche, à reprendre, à augmenter un petit peu le nombre de ruches qu'ils ont, c'est ça? Exactement. En fait, on, lorsque vous parrainez une ruche, vous soutenez l'installation d'une ruche chez un apiculteur. Vous allez avoir des nouvelles de cet apiculteur, des nouvelles de votre ruche. Vous allez pouvoir avoir une page où vous verrez des photos, parfois des vidéos de votre ruche. Et puis à la fin de l'année, vous allez recevoir des pots de miel avec votre étiquette personnalisée, soit au nom de votre famille, soit au nom de votre entreprise ou de votre organisation. Quel est l'intérêt par rapport au fait d'acheter, je sais pas moi, des pots de miel sur un marché auprès d'un apiculteur français? Et bien, la différence, c'est que vous allez le soutenir sur la durée, bien sûr. Acheter du miel sur le marché, c'est toujours quelque chose de très positif et ça garantit la plupart du temps que le miel est un miel local et de terroir, ce qui n'est pas le cas dans les supermarchés malheureusement. Oui, il faut faire attention aux étiquettes. Hein. Alors, quand vous regardez les étiquettes dans les supermarchés, les trois quarts des miels du rayon, si vous retournez un petit peu le pot, il y a écrit « mélange de miel issu de l'Union européenne et de pays extérieurs à l'Union européenne ». C'est-à-dire de Chine? C'est-à-dire du jifoutou du miel. Voilà, on met des mélanges... Ouais. Mais ça correspond aussi à notre attente parfois d'avoir un miel stabilisé qui est tout le temps le même, donc ils sont obligés de faire, ils font des mélanges pour vous offrir tout le temps la même qualité avec le miel liquide qui descend bien dans la pompe. C'est-à-dire le miel, c'est un peu comme le vin. En fonction des années, en fonction du terroir, il va être différent, parfois il va cristalliser, parfois pas, etc. Et c'est ça qui est magnifique. Ouais, oui. Voilà. Et tous les miels ont des goûts différents, c'est ça. Vouloir faire un miel qui a toujours le même goût, comme on peut en avoir en supermarché, c'est sûr que là, on n'a pas la qualité non plus. C'est pas nous qui faisons le miel, hein, c'est l'abeille en plus. Donc après, on peut s'amuser à le mélanger. Mais... Et alors, ce soutien, c'est un soutien vraiment aussi au long cours. Les apiculteurs nous disent si vous n'étiez pas là, on aurait. Déjà mis la clé sous la porte. Parce que ils sont soutenus. Mmh. Beaucoup. Il y en a qui n'auraient pas pu s'installer. Et il y en a d'autres qui ont perdu toute leur ruche une année, par exemple, ou les trois quarts de leur ruche, et qui ont continué l'aventure grâce aux milliers de parrains, d'emploi pour les abeilles qui les soutiennent, qui les soutiennent financièrement parce qu'en fait, ils parrainent. Et donc, l'apiculteur sait que, d'une certaine manière, son miel est vendu à la fin de l'année. Si oui, il est prévendu. Économique. Mmh. Et puis, il sait aussi qu'il y a des gens derrière lui à qui il doit donner des nouvelles. L'apiculteur, c'est un métier assez solitaire. Beaucoup d'apiculteurs, pas tous, mais le choisissent aussi pour ce caractère de solitude. Et en même temps, se savoir soutenu, envoyer des nouvelles. Nos parrains sont très actifs, ils envoient des messages aux apiculteurs, etc. Ils savent qu'ils sont dans une démarche aussi collective et qu'ils sont soutenus. Donc, il y a aussi un énorme soutien moral. Et... Donc, Et on peut aller les voir aussi, je crois. Exactement. On peut aller visiter nos ruches. Vous pouvez aller visiter vos ruches quand vous voulez. On organise chaque année des portes ouvertes particulièrement. Mm-hmm. Et vous pouvez aussi aller voir vos ruches sur le terrain. Oui. Et c'est sans danger, bien sûr. Ah ben, on met prend toutes les précautions. Hein. On met le costume quand même. D'accord, oui. Les combinaisons. On arrive en char d'assaut. Enfin voilà, un truc tranquille quoi. Eh ben, tranquille. Voilà. Alors j'ai appris qu'il fallait prendre un costume clair parce que sinon les abeilles sont excitées si on met des couleurs. Voilà. Ah là, vous êtes c'est pour ça qu'on est en blanc. Là, vous êtes en marron foncé. Il faudrait pas que vous soyez à côté d'une ruche. Parce que si je suis un peu rouge aussi, c'est comme les taureaux. Les taureaux. Ça les excite. Tiens, c'est vrai qu'elles sont sensibles à la couleur, Olivier. Alors ça, je dois vous dire que je pense que ça dépend peut-être des abeilles. Ah oui, c'est ça. Ça dépend du terroir, etc. Ça coûte combien de parrainer une ruche? Alors lorsque vous pouvez parrainer à partir de 8 euros par mois, un dixième de ruche, comme on dit, et à la fin de l'année, vous avez vous recevez 6 pots de miel. Et puis les avec son nom dessus quand même. Hein. Voilà, c'est bien parce que à la fin de l'année, c'est le moment de Noël des cadeaux. On peut offrir son miel quelque part. Et ben pour tout vous dire, nous on pense qu'il y a deux vrais moments où les parrains d'un pot pour les abeilles soutiennent particulièrement l'apiculture. Mm-hmm. C'est au moment où on aide l'apiculteur à s'installer. Ensuite, il y a tout le long de l'année où on le soutient, etc. Donc là, quand on fait ça, on soutient la filière française aussi de production de miel et on est vraiment actifs. Et puis, il y a le moment où vous partagez votre miel un peu pour les abeilles. Mmh. Et là, vous parlez de votre aventure, vous parlez de votre apiculteur. Et puis, le parrain vraiment décuple la sensibilisation et à la problématique. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci. C'est l'opération Un Toit pour les Abeilles. Il y a un site internet, Un Toit pour les Abeilles. Les abeilles. Voilà. Parfait. Laetitia, il est pratiquement 8h-10 et on va dans un instant s'intéresser aux éléphants. Peut-être qu'on peut sauver les éléphants. Et peut-être... Il y a d'autres solutions que les solutions qu'on a aujourd'hui qui, en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de résultats, enfin très peu, parce qu'il y a encore un déclin du nombre d'éléphants. Et pourtant, c'est un animal tellement sublime. On en parle dans un instant. 3216 ou bien animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite. RMC, vos animaux. Temps chez Renault. La French Touch se met au rugby avec Twingo qui se faufile. Quelle agilité, quel rayon de braquage. Twingo est à partir de 99 euros par mois sans condition de reprise, 4 ans d'entretien et de garantie inclus. Portes ouvertes du 13 au 17 octobre. French Touch touche française. Offre pour Twingo Life SE 70 LLD 49 mois, 40 000 km maximum. Premier loyer de 1 500 euros si acceptation par Diac et SA. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Ouverture sans l'autorisation. Voir Renault.fr. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlera. Moins 10, le week-end des experts, les animaux. À partir de 8h, juste après la météo et les infos, nous irons au Mondial de l'Automobile avec Jean-Luc Moreau, mais aussi avec Didier Laurent, Guillaume Crunel qui nous rejoindra, et puis aussi Delphine Sabatier, directrice de la rédaction de 01net. On s'intéressera au trophée de la voiture connectée que vous avez peut-être suivi cette semaine sur 01net TV, en ma compagnie d'ailleurs. Laetitia Barlerin. Avant d'aller au Mondial de l'Auto Porte de Versailles, on va s'intéresser à un gros animal. Voilà. Eh oui, un des plus gros sur Terre quand même. Oui, mais quel animal majestueux. Et aussi un animal très intelligent. Oui, et puis qu'on adore bien sûr, mais malheureusement on n'a pas de bonnes nouvelles. Et nous sommes avec Julien Marché, fondateur de l'association des éléphants et des hommes. Julien, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, les éléphants d'Afrique et même ceux d'Asie vont mal, très mal. Hein. En tout cas, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature qui le dit. Cette semaine, elle dit que malgré leur protection, les populations sont en déclin. Est-ce que vous avez des chiffres et est-ce que c'est toujours et encore un problème de braconnage? Alors pour les chiffres, les derniers chiffres estimés effectivement montrent une baisse puisque on estime pour la population africaine la population à 415 000 éléphants, alors qu'il y a 7 ans on estimait autour de ce sont des estimations donc c'est à prendre avec précaution mais plutôt tout autour de entre 500 et 700 000 éléphants. Et c'est le cas. Malgré leur protection. Malgré leur protection, voilà. Alors, en revanche, ça n'est pas que le braconnage. Le braconnage est une cause principale des menaces sur les éléphants, mais il y a aussi la destruction de leur milieu naturel. Et là, on a vraiment des endroits où ils sont plus touchés que d'autres, enfin des pays plus touchés que d'autres. Alors oui, bien sûr, il y a des pays qui ont connu, notamment dans les 10 dernières années, des crises du braconnage. On pense au Cameroun avec en 2012 un épisode de braconnage massif sur le parc de Boubanjida. On pense aussi à certaines régions du Gabon où des estimations montrent qu'il y a eu une chute de plus de 60% de la population. On pense aussi au sud de la Tanzanie, qui aussi a été très touché par le braconnage. Oui. Et pourtant, c'est un pays très touristique. Alors justement, avec d'autres associations, vous proposez comme solution pour sauver les éléphants, l'Elephant Watching. Alors dites-nous ce qu'est l'Elephant Watching. Alors l'Elephant Watching, c'est, pour faire court, l'écotourisme lié aux éléphants. C'est-à-dire un touriste qui effectivement va permettre d'aller voir les éléphants, mais évidemment le reste de la nature et de leur milieu naturel. C'est le safari. C'est un safari, mais effectivement dans l'esprit de l'écotourisme, c'est-à-dire avec des exigences un peu plus responsables. Et pour résumer, l'écotourisme, c'est un tourisme qui est à la fois économiquement viable, socialement responsable et équitable, et écologiquement respectueux de la nature et de l'environnement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus un site d'éléphants, à éléphants, enfin, c'est-à-dire un site où il y a beaucoup d'éléphants est visité par les touristes, plus leurs populations sont protégées. Alors, c'est la situation est plus complexe, mais globalement, oui. C'est-à-dire que quand on voit des sites qui sont bien valorisés, vous parlez de la Tanzanie qui est touristique, c'est vrai, mais le sud de la Tanzanie est beaucoup moins touristique que le nord de la Tanzanie. Et le nord de la Tanzanie, les populations d'éléphants sont un peu touchées par le braconnage, mais beaucoup moins que dans le sud de la Tanzanie qui est moins bien valorisé touristiquement. Et on a des chiffres, enfin on a des résultats sur l'Elephant Watching. Alors, l'éléphant watching, c'est un mot qu'on utilise un peu pour renforcer l'écotourisme aux éléphants, mais le tourisme aux éléphants, finalement, les safaris existent depuis longtemps, donc on a du recul. Et effectivement, les pays qui se sont le plus tôt lancés dans la valorisation des éléphants par le tourisme, aujourd'hui, ont des populations plus fortes que les pays qui n'ont pas valorisé ce patrimoine naturel. Je pense au Botswana, qui est un pays qui a aujourd'hui le plus d'éléphants en Afrique, avec 130 000 éléphants sur donc probablement 415 000, donc quasiment environ un tiers de la population, oui. Et qui a très tôt misé sur un tourisme respectueux de la nature et qui aujourd'hui a une population très saine d'éléphants en bonne santé. Il y a d'autres pays que le Botswana, il y a l'Afrique du Sud aussi, oui. le Kenya, l'Inde, le Sri Lanka, et donc tous ces pays, si ce n'est pas la totalité du pays qui préserve bien ses éléphants, c'est au moins des régions où l'écotourisme est bien développé et les éléphants sont protégés. Parce que là, ils s'aperçoivent que c'est une richesse d'avoir ces animaux, puisque ça attire des touristes, donc des devises, etc. Mais enfin, on sait aussi que la cohabitation localement entre les éléphants et les populations peut poser des problèmes. On a des problèmes, par exemple, d'éléphants qui saccagent des récoltes. Ah oui. Alors, je sais que votre organisation œuvre aussi pour qu'il y ait localement une cohabitation harmonieuse. Alors tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un problème. Le problème de la conservation des éléphants, c'est en fait un problème de coexistence entre les hommes et les éléphants. Donc vous avez raison. Il y a des problèmes de cohabitation. Alors il y a des solutions qui sont pas faciles à mettre en œuvre pour améliorer la cohabitation par l'aménagement du territoire, par des techniques qui évitent que les éléphants entrent dans les champs des éléphants. D'ailleurs, qui utilisent au passage les abeilles, puisque vous en parliez juste avant. Mais je vais pas. Les éléphants ont peur des abeilles. Ouais, enfin voilà, c'est effectivement une étude qu'il a montré au Kenya, et donc ça peut être utilisé. Mais pour revenir entre le lien justement entre les conflits hommes-éléphants et le tourisme, en général, quand le tourisme est bien développé, que c'est un écotourisme qui bénéficie évidemment aux habitants, on s'aperçoit que les conflits qui existent de toute façon sont quand même plus tolérée puisque une partie de ses habitants bénéficient du tourisme, du tourisme, d'emploi et de revenus. Mais ce qui veut dire qu'il faut à la fois porter des efforts pour faciliter et améliorer la coexistence, mais quand c'est il y a du tourisme à côté, bah c'est une incitation en plus. Donc c'est des choses qui sont complémentaires, toutes les deux importantes, mais qui sont positivement corrélées. Alors pourtant, vous dites qu'il y a trois quarts quand même des espaces naturels où vivent les éléphants qui sont sous-exploités d'un point de vue touristique. Voilà, bah c'est exactement c'est le constat un peu de notre étude qu'on a menée donc pendant un an sur 544 sites sur les 50 pays où on trouve encore des éléphants. Et effectivement, il y a des sites où c'est très bien développé, c'est très bien fait, qui peuvent servir de modèle. Mais on s'aperçoit que quand on regarde en détail, effectivement, on arrive à près de trois sites sur quatre qui sont sous-valorisés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tourisme suffisamment développé. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup. Voilà, donc, merci à vous. Nous vous invitons à aller admirer ces pachydermes sur place. Hein, voilà, parce que vous faites du bien. Alors, d'abord, c'est super de voir des éléphants dans la nature, mais en plus, vous leur faites du bien, puisque, comme dit Julien Marché, l'écotourisme favorise justement la protection de ces animaux. Oui, parce que rappelons, sans mauvais jeu de mots, que l'éléphant est un animal sans défense. Merci, Julien. Merci. Merci, Julien, alors je vous conseille d'aller voir le site de votre association, hein, Julien, deséléphantsetdeshommes.org. Laetitia, on va se quitter avec notre petite vidéo lolcat de ce dimanche matin. Et alors là, j'adorerais avoir ce chien chez moi. Nous avons trouvé une petite vidéo d'un chien qui fait le ménage. Mais il fait tout. Il vide le lave-vaisselle. Il passe l'aspirateur. Il met le linge dans le lave-linge. J'adore. Il fait le tri des couleurs quand même. Il fait le tri des couleurs. C'est un chien exceptionnel et cette vidéo, elle vous attend sur la page Facebook de vos animaux sur donc, RMC. Mesdames, nous n'avons plus besoin d'un homme à la maison. Exactement. Un chien vous suffit. C'est pas beau la vie quand c'est même. C'est pas beau la vie. Ouais. Bon, je suis pas sûr que Indy, votre chihuahua, y arrive quand même. Parce que pour vider la vaisselle, il rentre dedans, il n'arrive plus à sortir. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pour porter les assiettes, tout ça. Et puis le tri des couleurs, c'est pas son fort. Voilà, c'est ça. Puis la température, tout ça, non, c'est pas son fort. Mais si, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bon dimanche à tous. Alors il y aura un autre Grand Prix la semaine prochaine, donc on se retrouvera pour une heure dédiée seulement aux animaux. Seulement une heure, mais ça sera une antenne libre pour vous, les auditeurs. Vous pouvez nous poser des questions pendant une heure. Un spécial mondial de l'auto dans un instant sur RMC après la météo, les infos, à tout de suite. Marc, ça te dérange si je prends deux jours pour aller chercher mes nouvelles lunettes à Nantes? À Nantes? Mais pourquoi Nantes? Bah, parce que c'est ce que j'ai trouvé de moins cher, hein. Ah, à moins que tu me dises que notre mutuelle a mieux à proposer? Non, je crois pas. Bah voilà. Mais tu sais, c'est pas si mal Nantes. Je t'ai déjà dit que, plus jeune, j'habitais à Bordeaux. Si vous aviez souscrit une assurance santé chez Malakoff Médéric pour vos collaborateurs, Marion aurait pu bénéficier d'un réseau de plus de 5000 opticiens forcément près de chez elle. Plus de services dans votre contrat santé, c'est notre engagement pour faire de votre entreprise un territoire de santé. Renseignez-vous sur malakoffmedéric.com ou en boutique. Malakoff Médéric Prévoyance est une institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale. Un coup d'œil sur la météo de votre dimanche avec Jérémy sous l'immense. C'est un petit peu mieux qu'hier, non, peut-être? Exactement, François. On ne peut rien vous cacher, en fait. Hein. Donc, j'ai regardé les cartes, en fait. Bon, écoutez, je souhaite une bonne journée. Voilà, c'est fini. Merci, Jérémy. À bientôt. À bientôt. Donc, le temps va rester. Quand tu auras un nuage. Je repasserai tout à l'heure. Alors, le temps va rester quand même mitigé aujourd'hui, François. Ce matin, retour de quelques averses sur les Alpes jusqu'à l'Alsace, dans le sud-ouest, jusqu'en Auvergne. Beaucoup de nuages et de pluie. Des nuages que l'on va retrouver aussi au nord de la Seine, accompagné de quelques averses au cours de cette matinée. Des averses beaucoup plus fréquentes près de la frontière belge, où l'on pourrait quand même entendre quelques coups de tonnerre. Dans l'après-midi, les averses se feront beaucoup plus rares, heureusement. Sauf, dans le nord-est de la France. Partout ailleurs, les éclaircies devraient finalement réussir à s'imposer. Pour les températures, ce matin, comptez entre 5 et 19 degrés. Cet après-midi, 15-27. On attend 16 degrés à Lille, 18 à Paris et Strasbourg, 19 degrés à Lyon, 25 degrés à Marseille et Ajaccio. La maximale est attendue à Toulon avec 27 degrés. Avis de température agréable. Isolez votre maison avec Isovert et préparez de belles économies sur vos factures de chauffage. Isovert est une marque de Saint-Gobain. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec dans une heure, Formule 1, départ du Grand Prix de Malaisie. 15h, Football Ligue 1, Angers-Marseille. 16h05, Hippisme, départ du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. 16h15, Rugby Top 14, Le Choc, Toulon-Montpellier. Et dès 17h, retour à la Ligue 1 avec Nice-Lorient, suivi à 20h45 du derby Lyon-Saint-Etienne. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur Internet, RMC.